trouverais que ça n'a pas d'allure, mais je trouve qu'on est fort, surtout sur ces questions-là, pour monter des rumeurs en épingle, puis en faire des unes de journaux et même pas de téléjournal, mais d'émissions comme celle de Jean-Luc Mongrain, juste pour faire sensation, parce que ça fait effectivement très sensation. Il y a plein de vidéos en ce moment sur YouTube qui voyagent, de gens qui s'insurgent. Il y a une jeune fille, elle dit « Là, on est au Québec, OK? » Puis là, les Tamouls, là! Puis là, elle se met à dire un peu que, dans le fond... Elle se met à japper. Elle se met à japper sans qu'on sache sur quoi elle jappe. Sauf sur l'idée qu'à Noël, ben c'est Noël, puis elle a le droit de dire Noël. C'est comme j'ai vu passer, moi, sur la mesure là, pour les fameux véhicules de 8 ans et plus là, soumis à la revente. Ben, ils doivent passer une inspection pour ce qui est de la pollution atmosphérique. Là. Bon. Ils vont devoir. Il y a une loi qui est en train de se faire discuter exact. À l'Assemblée nationale. Et là, il y a une vidéo qui est passée sur YouTube où un gars pète complètement les plombs. Le pauvre petit citoyen qui ne peut pas faire rouler sa babelle, vraiment, il gueule. Là. J'ai jamais vu un homme aussi hystérique de toute ma vie. C'est hallucinant. Il dit que c'est les pauvres qui doivent payer pour l'environnement, alors que les compagnies qui fabriquent des automobiles, eux, ont rien à faire. Moi, là, ça me fait mal à mon peuple, ce genre d'intervention-là, parce que ça prouve, encore une fois, hors de tout doute, qu'on manque énormément de projets communs, qu'on est victime d'un complexe d'infériorité épouvantable face à quiconque, là, et qu'on est incapable de s'affirmer nous-mêmes dans ce qu'on est, autant dans nos défauts que dans nos immenses qualités. Et c'est un peu dommage que ça se passe, ce genre de choses-là. Mais quel lien tu fais avec ce que tu dis, puis ce que le gars, il dit sur le YouTube, là, que ben, ça en fait, fait chier, parce que, en fait, juste pour expliquer, le gars s'insurge contre le fait que tous les véhicules qui auront plus de 8 ans d'âge vont devoir aller se faire inspecter. C'est encore le pauvre citoyen surtaxé qui paye pour les frasques des pauvres et tout ça, puis le maudit gouvernement contrôlant et qui s'attaque pas aux bonnes personnes. Mais en fait, le lien que je fais avec la demoiselle dont tu parles, c'est que c'est des personnes comme ça qui servent d'Internet pour jeter leur fiel en toute ignorance de cause et qui se font atteindre dans leur nombril et que là, ben, c'est extrêmement individualiste comme intervention et c'est aucunement réfléchi, aucunement posé. Ça prouve que, ma foi, ça se passe pas super bien. Bref, tout ça pour dire qu'on accuse beaucoup le cours d'éthique et culture religieuse d'enseigner aux enfants à ne plus aimer Noël. C'est souvent l'accusation qu'on en fait. On remet beaucoup en question ce cours-là qui a remplacé les cours de religion et de morale dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires. Donc, Mme Rondeau va venir démystifier tout ça avec nous. Question de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et on va finir aussi je vais vous parler d'un concept qui est sorti sur le net. On parle beaucoup de Kyoto, on parle beaucoup aussi là, du désaccord entre le Québec et le gouvernement Harper, de la loi C-10, on parle, vous les connaissez les dossiers, et bien il y a un nouveau concept qui est sorti qui promet d'être très fédérateur pour la nation québécoise, c'est qu'il y a un penseur, un philosophe qui s'appelle Vladimir de Tézier, qui nous raconte que le meilleur projet selon lui serait de faire du Québec une république verte, un État vert, et selon lui, ce serait la meilleure option de rassembler les Québécois autour d'un oui à un certain référendum sur la séparation avec le Canada. Donc voilà, Catherine, on finit l'année 2011 ensemble. C'est l'heure de notre éditorial. On a une petite idée ici à la fausse patte. Vous savez, la fausse patte, c'est un terme de boxe, n'est-ce pas? Une fausse patte, c'est un boxeur gaucher. C'est une position de garde différente et contraire à la garde traditionnelle. Donc, on se veut un discours traditionnel, une alternative au discours traditionnel des radios de Québec. Donc, on a décidé de décerner pour l'année 2011, Catherine, nos gants dorés, nos gants d'or, n'est-ce pas? Et nos uppercuts. N'est-ce pas? Donc, chacun de notre côté, on a fait notre analyse de l'année 2011 et on va vous distribuer, si vous le voulez bien, avec un petit peu d'humour, nos coups de cœur et nos coups de gueule pour l'année qui vient de se terminer, qui est, ma foi, extrêmement riche, une année de grand chambardement. Et voilà, alors Catherine, est-ce que tu veux ouvrir les hostilités? On va commencer avec nos uppercuts, si tu veux bien. D'accord. Fait que, donc, pour diviser ce que Christian a fait de ce que j'ai fait moi, Christian a pris des événements de l'année et moi, je me suis penché sur l'état de la nouvelle par Influence Communication. Je ne sais pas si vous connaissez Influence Communication. C'est une entreprise merveilleuse qui recense une Québécoise, Jean-François Dumont est Québécois, qui recense exactement tout ce qui sort dans les médias dans le monde, au Canada et au Québec, et qui détermine le poids médiatique des choses pour dire, par exemple, cette année, on a parlé autant de Lady Gaga que de, je ne sais pas moi, Barack Obama, par exemple. Il va sortir des affaires comme ça. Même combat. Fait qu'il va, non, mais ça, des fois, ça montre des choses comme ça, puis il en arrive à des conclusions très, très, très, très, très intéressantes. Donc, premier uppercut médiatique. Jean-François Dumas de Influence Communication a remarqué que pendant la course électorale de, fédérale, la dernière, celle qu'on a eue cette année, le poids média, c'est-à-dire la place que prenaient dans les médias les partis politiques, était à peu près équivalente au pourcentage de votes qu'ils recevaient. Alors, le nouveau Parti démocratique a eu un poids média de 29% par rapport aux autres partis. Votes, on a voté pour eux à 31%. Wow. Le Bloc québécois a eu un poids médiatique de 6%, votes 6%. Parti conservateur, poids médiatique 35%, votes 40%. Le Parti libéral, poids médiatique 24%, vote 19%. Parti vert 6%, vote 4%. Alors, c'est à peu près, il y a une corrélation très claire. Si vous voulez savoir qui va gagner les prochaines élections, comptez le nombre de fois qu'on voit la face du chef en première page d'un journal et ça va être ça le gagnant. Donc, si je comprends bien, François Legault va prendre la tête du Québec dans pas tellement longtemps. À moins que les Québécois soient pris d'un éclair de lucidité soudain ou que... les grands médias décident de moins montrer François Legault ou en fait de le montrer d'une manière négative. Ah, oh, ma foi, je ne crois plus au Père Noël. Ah oui, il se passe des choses, on ne sait pas. Il faut toujours espérer. Je verrai. Uppercut de mon côté au niveau événementiel, évidemment, je ne peux passer personnellement à côté de toute cette saga de l'amphithéâtre de Québec, de notre députée Agnès Maltais qui, et le Parti québécois qui ont voulu faire un grand coup d'éclat en proposant un projet, en fait, en permettant... faire une histoire très courte, là, en permettant à l'entente entre Québécois et la Ville de Québec de protéger cette entente-là de toute poursuite judiciaire. Et le Parti québécois a décidé d'adopter ce projet-là, évidemment pour gagner du capital politique, on s'entendra bien là-dessus. Et le maire Régis Labeaume, en fait, je condamne, mon uppercut va à deux entités dans cet événement-là. Premièrement, au maire Régis Labeaume, qui, je trouve, son esprit de grandeur, en oublie qu'il est le maire de Québec, que sans les citoyens de Québec, il est maire de rien. Alors, il va dire que sur l'opinion publique, tout le monde veut les Nordiques, tout le monde veut un amphithéâtre, bien évidemment. Mais sauf qu'il y a une partie de Québec qui ne veut pas de ça, qui y a beaucoup de citoyens qui sont contre cette histoire-là, le retour du hockey, parce que c'est pas juste le retour du hockey, mesdames et messieurs, c'est aussi Québécois qui va prendre possession de notre ville. Cet amphithéâtre-là va servir de diffusion à Star Academy, et c'est non seulement du hockey, la grosse machine lucrative, voilà, du hockey qui va débarquer, mais celle aussi de Québécois et de Star Academy. Et il y a des gens dans Québec qui s'insurgent contre ça, malheureusement, on ne les entend pas. Donc, d'un côté, j'en envoie mon premier uppercut à Régis Labeaume, qui pense qu'une partie de la population, c'est toute la population qui fait la dure d'oreille à tout le monde qui s'oppose à cette idée-là, qui vend son arme à Pierre-Carl Péladeau, et qui aussi, et le deuxième uppercut, ben, c'est à la population de Québec qui, ma foi, applaudit le fait qu'on sorte que des centaines de personnes sortent dans la rue pour souligner la journée bleue, d'accord, pour le retour des Nordiques, mais qui ne se gêne pas pour cracher sur les indignés, une vingtaine d'indignés qui campent sur la place de l'Université du Québec. Alors, uppercut à la population de Québec et à leur chef, Régis Labeaume, et la population qui le suit avec des œillères. Donc, deux uppercuts en un, Christian. Oh, ouais, je suis enflammé. Fait que moi, je continue rapidement avec mon deuxième. Au Canada, uppercut médiatique. Savez-vous c'est quoi la quatrième chose dont les médias canadiens ont le plus parlé cette année, en 2011? Attends, je peux-tu guesser? Excusez-moi, vas-y. Le coup. Vas-y. Quatrième... La mort de Jack Layton. Non, Jack Layton, c'est en troisième, la mort de Jack Layton. Puis okay. Je veux dire qu'en cinquième, c'est la commémoration des 10 ans du 11 septembre, dont on a le plus parlé dans les médias canadiens. D'accord. Qu'est-ce qui se situe entre les deux? Bon, vu que c'est arrivé récemment, je dirais la loi C-10. Non. Dernière chance. Hey boy. Au Canada, je dirais l'élection du gouvernement Harper. Non, c'était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, Christian. Mais voyons, c'était voyons. Les commémorations du jour du souvenir qui honorent nos vétérans canadiens, nos soldats. C'est-à-dire que la quatrième chose dont on a parlé le plus cette année au Québec, c'est pas au Québec, au Canada. Au Canada plutôt. La quatrième chose dont on a parlé le plus au Canada dans les médias pendant l'année, c'est ça. L'événement canadien, là. Le quatrième événement canadien le plus important, ça serait les commémorations de nos soldats qui sont morts pour la patrie. Puis le top, ben, j'ai rien contre les vétérans, soit dit en passant, là. Ils se sont battus de la liberté et tout ça. C'est la quatrième chose la plus importante dont on a parlé en 2011 avec tout ce qui se passe. D'accord. Et la première position, c'est quoi? Je l'ai pas amené. Je suis désolée, j'ai pris des notes sur des feuilles à part. Alors, tu ne le sauras pas, mais je t'invite à aller voir sur le site d'Influence Communication. C'est excellent. Il y a un rapport pour les médias canadiens, un rapport pour les médias québécois et un rapport pour les médias mondiaux. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc, on a plus parlé du jour du souvenir que de la commémoration du 11 septembre. Oui. Et Jack Layton est juste avant ça. Juste avant. Bon, très bien. Alors, uppercut... Autre uppercut en ce qui me concerne des événements que l'on a vécu cette année, eh ben, je me dois absolument de le donner. Mon top 2 revient aux indignés, en fait, au traitement qu'on leur a fait. Malheureusement, le débat beaucoup trop tourné sur la forme, sur le comment, et non pas sur le pourquoi. Tout le débat médiatique, en fait, tout le discours autour de ça est complètement bifurqué. J'ai entendu des gens me dire « Ouais, mais d'une main, les accuser, en fait, d'une voix, les accuser d'être des gens qui ne travaillent pas, d'être des gens qui sont au crochet de la société, et d'une autre, de manifester le soir, plutôt, et de dormir là. » Puis, en fait, quand on leur dit que c'est des gens qui travaillent, qui vont à l'école, c'est pour ça qu'ils manifestent le soir, qu'ils dorment là, et bien là, tout d'un coup, les gens, ils tombent sans voix. Mon uppercut revient à, encore une fois, à la population qui refuse de se renseigner adéquatement avant de porter des jugements. D'accord? Donc, cet événement-là, vraiment, je montre à quel point nous sommes engourdis. On prend pour du cash. N'oubliez pas qu'il y a une convergence médiatique au Québec, mesdames et messieurs. C'est pas compliqué. Vous lisez Canoë, vous lisez le Journal de Québec, vous écoutez TVA. C'est tout le même personne qui signe le chèque de paye de ces personnes-là. D'accord? D'ailleurs, il y a un immense reportage qui a été fait à Enquête sur Radio-Canada sur la collusion qu'il y a autour du propos médiatique à partir de Québécois. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, diversifiez vos sources d'informations. Prenez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour pour lire et tout autre chose, ne serait-ce que Le Devoir, et vous allez voir que la vérité, pluridimensionnelle. Et voilà, mon deuxième coup de gueule événementiel cette année, c'est le traitement qu'on a fait à tout ce mouvement des indignés. On a délibérément fait bifurquer le débat sur le comment et non pas sur le pourquoi. Catherine. Ça, c'était un peu très amant, non? C'était pas le bon bouton, c'est tout. Ta jolie petite machine. Palmarès de nouvelles canadiennes les plus citées à l'étranger. Qu'est-ce qui arrive en premier? Quand les gens autour du monde pensent au Canada, qu'est-ce qu'ils vont avoir la chance? Qu'est-ce qui, vraisemblablement, va leur apparaître en premier parce que c'est la chose qu'ils auront vu passer le plus dans leurs médias? Tu veux que je m'essaye aussi? Oui, j'aimerais que tu t'essayes. Le retrait de Kyoto. Ah, c'est trop récent. Hein? C'est pas grave, non, ça aurait pu. Le retrait de Kyoto ou. Je dirais encore le rejet des armes à feu, tiens. Non plus. Ni le retrait de Kyoto, ni ça. Ce dont les gens. Christian, creuse-toi le cerveau, là, un peu plus que ça. Ce dont les gens. Ce que les médias étrangers. Ce dont les médias étrangers ont le plus parlé lorsqu'il s'agissait du Canada. Et tu donnes ta langue au chat. Alors, c'était... Ah, il me vient une idée, mais je pense que ça se passe. Vas-y, essaye. Vas-y. La visite de Kate et William. Ah non! Non! C'est pas vrai! C'était merveilleux! Elle était tellement belle, puis elle était tellement beau, puis tout le monde dit... Non, les médias se sont régalés. Alors, nouvelle canadienne la plus citée à l'étranger, numéro 1, visite de Kate et William au Canada. Quand même. Oui. Alors, belle opinion que peuvent avoir les autorités internationales. Et après ça, on va se retirer de Kyoto et prétendre, selon à partir de notre ministre Kent lui-même, que ce protocole était complètement désuet et que le Canada est visionnaire dans cette histoire-là. Non, mais ça, tu dis, c'est pas les autorités qui vont avoir une idée du Canada relative au fait qu'on parle juste de Kate et William. Ça, c'est le bon peuple des autres pays. Les autorités, eux, ont une opinion... assez négative en ce moment du Canada, justement à cause du retrait de Kyoto. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais je sais qu'on est dans les uppercuts, puis les gandards s'en viennent, on va vous parler de choses positives, mais rapidement, je veux juste vous dire, le ministre chinois, par rapport au retrait de Kyoto, vient de dire que l'attitude des conservateurs, un des ministres chinois les plus importants, dit que l'attitude des conservateurs canadiens est totalement absurde. Tuvalu, petit pays qui risque de se faire submerger par les changements climatiques, dit que le Canada est responsable a fait un acte irresponsable et irréfléchi. Et l'Iran dit que le Canada agit en fripouille et qu'il faut le bannir des prochaines discussions parce qu'il ne respecte pas sa parole. Ben, tu cites quand même, il faut faire attention aussi, je me mets un bémol, tu cites quand même la Chine qui n'a jamais voulu ratifier Kyoto, et tu parles de l'Iran qui, probablement, fait des farces et des magouilles avec des armes nucléaires. Donc, je veux dire, c'est quand même un beau clan. Le Canada fait maintenant partie de ce guerre-là. Il faut faire attention, là, je veux dire, dans ce truc de changement climatique, la chose la plus importante, c'est qu'il y a une entente entre les pays en développement puis les pays développés. Puis ces pays-là, évidemment, sont la cible de raillerie et de critique très acerbe des gouvernements occidentaux depuis longtemps. C'est comme si on les prenait pas au sérieux. Mais là, on se retrouve à un moment où on va être obligé de dealer avec eux. On est obligé de faire une entente avec eux. Puis de toute façon, si on ne daigne pas le faire, ces pays-là, dans pas si longtemps que ça, vont se retrouver à un niveau de développement pas si loin du nôtre, puis des capacités de payer surtout beaucoup plus élevées que les nôtres. Fait que on est aussi bien de commencer à les considérer autrement que comme eux-mêmes des États voyous, comme on les appelle souvent dans les médias occidentaux. Très bien. C'est mon tour, hein? Je pense que c'est mon dernier uppercut que je vais donner. Oui. OK, d'accord. Dernier uppercut. Eh bien, mon uppercut revient en fait au 2 mai 2011. Qui est une date de bascule extraordinaire. J'étais avec une amie, Amélie, que je salue en passant. On écoutait les élections, n'est-ce pas, ensemble. Madame Galipeau, qui faisait le suivi de tout ça, on bifurquait d'un poste à l'autre. Et vraiment, j'ai rarement senti autant de mal à l'âme. Mon dernier mal à l'âme aussi fort que j'ai vécu, Catherine, de sentir que on dirait que le monde se dirigeait dans une direction vers un trou noir, vers le Mordor. Eh ben, c'est au référendum de 95, où je n'avais pas encore l'âge de voter, mais j'étais profondément convaincu que le oui devait passer. Eh ben, c'est cet événement-là où notre pays à la politique, au système parlementaire complètement déficient. Un parti qui remporte 40% des voix totales du Canada, maintenant, contrôle la Chambre de façon majoritaire. Et c'est un gouvernement rétrograde. On revient quasiment au Moyen-Âge. Je vous rappelle un gouvernement qui est religieux, militariste, anti-Kyoto, qui ne croit pas au réchauffement planétaire, qui est pour les combustibles fossiles, qui est pour le profit, qui est contre l'avortement, le mariage gay, nommez-les. Il y a des lobbyistes de tous ces mouvements-là qui magouillent autour de ce parti-là. C'est un premier ministre présentement qui s'est toujours montré contre le bilinguisme, le multiculturalisme et tout ça. Lui, ce qu'il prône, c'est un Canada blanc, un Canada chrétien et un Canada monarchique. Et en même temps, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça va peut-être permettre justement une grande bascule au niveau idéologique. Et qui sait, peut-être que le Québec, à force d'être... ça sera peut-être la goutte qui fera déborder le vase parce qu'on est un peu... On a un peu un syndrome particulier au Québec. On se fait donner des claques derrière la tête par le Canada, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on menace de se séparer comme en 95, on se trouve à dire, mais le Canada, il nous aime, il va changer, mais ça n'a jamais été le cas. Alors, en espérant que cette fois-ci sera la bonne et que le Québec décidera enfin de se tenir debout et, qui sait, peut-être inspirer le reste des provinces canadiennes et arrêter justement de sombrer dans la noirceur. je leur souhaite. Est-ce qu'on est rendu au Gandor? Nous sommes rendus au Gandor. Enfin, des choses positives. Enfin, des choses positives. C'est notre mandat ici à la fausse patte de relever le positif. Alors, Catherine, je t'écoute. Premier Gandor médiatique, je me retrouve toujours dans l'état de la nouvelle qui a été faite par Influence Communication. Très bonne nouvelle. Alors qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, on n'en parlait à peu près pas. Les changements climatiques sont au deuxième rang des nouvelles ayant le plus fort poids médiatique dans le monde, ayant eu en 2011 le plus fort poids médiatique dans le monde. Ça représente 2,54% du poids média de tout ce qui a été parlé dans le monde par tous les médias du monde. Donc, ils se retrouvent juste derrière le séisme et le tsunami au Japon. Les changements climatiques. Fait que... c'est une bonne nouvelle. Voilà, mon premier gant doré au niveau événementiel, en fait, c'est un 2-en-1 aussi. Je félicite M. Amir Kadir, qui, depuis 2008, est le seul député de Québec solidaire présent à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a été élu, les spécialistes politiques se demandaient quelle place il allait prendre. Eh bien, le petit peu qu'il pouvait prendre, il l'a pris solide en prenant des positions vraiment marquées par rapport au consensus qu'on a à l'Assemblée nationale. Deux événements particuliers, il a confronté les grands bons de ce monde au niveau idéologique. Premièrement, sa confrontation avec Lucien Bouchard en commission parlementaire était formidable. A voulu remettre sur le nez à M. Bouchard son accoquinement avec l'industrie gazière. On se rappellera que M. Bouchard, lorsqu'il dirigeait le PQ, le Québec a privatisé Gaz Québec. Après ça, a été engagé par l'industrie gazière pour venir nous convaincre au Québec, probablement de travailler plus. Puis après ça, que les gaz de schiste, c'était une bonne chose. Et le seul qui s'est dressé contre lui, c'est M. Amir Kadir. Et là, Amir Kadir fait la même chose avec M. Pierre-Marc Johnson, qui est chargé par le gouvernement du Québec de négocier avec l'Union européenne un nouvel acte de libre-échange. Monsieur Kadir est monté au bat en bon français, en commission parlementaire, pour dire montrer à Monsieur Johnson, écoutez, le libre-échange américain a fait en sorte que, depuis que c'est entériné, le pouvoir d'achat des individus a diminué, les riches se sont enrichis, le taux de chômage a augmenté, et on a eu droit à une crise financière. Et là, vous voulez nous faire passer entre la gorge un autre acte de libre-échange, mais cette fois-ci avec l'Europe. On va pas se précipiter deux fois plus vite dans le trou. Surtout qu'on n'a même pas tous les détails de ce projet de libre-échange-là. On n'a pas les détails, on ne sait pas ce que c'est. Puis c'est tout à fait normal pour eux que ça se fasse dans des bureaux fermés sans que la population soit mise au courant. Et il y a un beau vidéo sur YouTube, je vous invite à le visionner. Il va être sur la page de la fausse patte sur Facebook. C'est M. Kadir qui amène des faits très éloquents. Et à ce moment-là, le président de la commission parlementaire, M. Bernard Drainville, n'arrête pas de dire à M. Kadir qu'il faut qu'il fasse vite, qu'il n'a seulement que deux minutes. Il tente de museler un homme qui essaie de s'exprimer, qui apporte des idées nouvelles. Et la seule réponse en 30 secondes, parce qu'il a été coupé, M. Kadir, à tout moment, eh bien, Pierre-Marc Johnson, il dit, le code de déontologie de ma profession ne me permet pas de livrer ces informations-là maintenant, je vais m'en tenir à ça. Donc, le code de déontologie de cet ordre-là, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais va au-dessus du droit commun, de la loi suprême qui est la démocratie, le Parlement de l'Assemblée nationale. Donc, bravo à M. Kadir qui est seul au monde et qui se fait le champion de la démocratie. Catherine? Moi, je vais dire ça rapidement. Mes deux autres gandorés médiatiques, mouvement Occupy Wall Street s'est retrouvé au 15e rang des nouvelles qui ont le plus gros poids média dans le monde. 15e rang, alors que le mouvement a débuté seulement le 17 septembre et que ce décompte-là est fait sur toute l'année. Donc, si on l'étendait là, sur toute l'année, il a débuté juste à la fin de l'année, si on l'étendait sur toute l'année, il serait dans les premiers, dans les choses les plus importantes, les choses ayant le poids média le plus important. Donc, mouvement Occupy Wall Street, puis changement climatique, qui se retrouve en tête de liste, moi, je trouve ça assez encourageant. Et dernier gambaré que j'ai donné, la campagne électorale de 2011 au Canada, ça, c'est le poids médiatique au Canada. Donc, il y a eu 14% plus d'espace médiatique réservé aux candidats régionaux que lors de précédentes élections. Donc, ça se rapproche ça se décentralise et c'est une bonne chose. Parce qu'une diversité idéologique dans une démocratie, c'est un signe de santé. Alors, bravo. N'est-ce pas? Ah non, ça, c'est pas le bon bouton, c'est celui-là. Voilà, mon deuxième coup de cœur, il va à tous ces groupes, ces unions, ces organismes, ces associations qui dénoncent les grands projets, qui les lèsent. Je parle bien sûr de notre monsieur que l'on a reçu, qui milite pour la lutte au gaz de schiste. Tous ces gens qu'on a eu en entrevue, en fait, Maxime qui travaille comme travailleur de rue, la lutte à la pauvreté, tous ces gens-là qui sont dans les banlieues de Québec, qui travaillent à la lutte à la défavorisation, Hugo Lapointe la semaine dernière pour ce qui est du plan Nord. Donc le barreau de Québec qui est sorti publiquement pour dénoncer la commission Charbonneau pour ramener le gouvernement Charest à l'ordre. Eh bien, tous ces gens-là qui s'unissent et qui s'élèvent et qui se font la voix du peuple, alors bravo, grâce à vous, il y a une résistance et ça nous empêche de nous faire bouffer tout rond. Est-ce qu'on passe à la pause? Parce que j'ai bien hâte de parler de Noël avec notre spécialiste en éthique et culture religieuse. Tu as déjà fait tes trois coups de cœur? Oui, j'en ai pas joué d'en passer deux. Ah ouais? Oui, parce que je voyais que le temps avançait. OK, moi je voulais finir avec un dernier coup de cœur, mesdames et messieurs. Je me dois de rendre hommage à un homme politique. J'ai pas voté pour lui. Par contre, il s'est tué à la tâche, c'est le cas de le dire, M. Jack Layton, qui, je suis contre l'élection de son parti au Québec, soit dit en passant, mais ce qu'il a réussi, il faut lui donner. Il a réussi à faire naître une pointe d'optimisme dans notre marasme moral, politique et idéologique que l'on a présentement au Québec et au Canada. Et je terminerai ce gant d'or avec la citation de la lettre qu'il a écrite aux Canadiens, aux Canadiennes, juste avant de mourir, qui allait comme ceci. « Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir est meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir, et restons optimistes et nous changerons le monde. » Chaleureusement, Jack Layton. C'était, je pense, une bonne conclusion pour cette année 2011 où nous sommes précipités peut-être dans le noir, mais où la lumière viendra toujours. Alors, au retour de la pause, Mme Dany Rondeau, et là-dessus, bloc pub et bloc musique, avec entre autres Manon Serge. Le 31 décembre, les Disques Nomades et le Grand Théâtre de Québec vous invitent à faire partie de la famille. Une soirée festive au son des artistes de la scène émergente. Isabeau et les chercheurs d'or, Tire le Coyote, Bouhangui et plusieurs invités. Le service de garde est offert sur place. Le 31 décembre, 20h, à la salle Octave Climasi du Grand Théâtre de Québec. Billets sur Billettech, collaboration Studio Éléments et CKRL.

Mais elle fait tough à faire. Tout pour me taire, mon seul refuge, ce que j'ai écrit hier. Subterfuge à toute épreuve, même si on preuve. Comme si une question s'achète une baraque neuve. Un monde où les cravates s'abreuvent. Tu sens des innocents, tu vois, des traits qui devenaient grands. Anyway, c'est pas attirant. La profession rime avec corruption. La falsification devient le moyen de monter la pente. C'est ça, tente, ben non, faut que tu mentes. Ça va avant ton homme, question que la production augmente. C'est de venir aux besoins et de la demande. Balance à sa consommation, ma nation. Insouciant comme une question de rémunération. Les producteurs, consommateurs. Le système est fait par et pour les exploiteurs. Trouver l'erreur. La montée communiste, c'est vice. Pour penser altruiste, capitaliste de crosse. Il faut bien rouler sa bosse. Pour un échec, cinq pauvres. Tout le monde est gros, tout le monde en marre. Le vide tente, c'est toujours pour les mêmes que ça barre. Pour monter l'échelle, le cul est riche, même s'il est maculé de sel. Parce que seul, face au sol, on se recycle pour un solde. Les principes, c'est disciple face aux disciples du cob. Toi, c'est quoi ta job, hein? Marcher loin du plan, c'est pas important. Passer dans le bain de poche que va se ramasser l'argent. Puis justement, est-ce qu'on nous ment? 25 ans, c'est la religion, Bastard, la télévision. On est bombardé d'informations filtrées, un discours réorganisé. Pas trop pensé. Une fois si à terre, devant ta petite boîte carrée, tu fais plus chier. Y'a rien qui a changé. Même pas moyen qu'utiliser, t'en fais un autre de leurs entreprises. La différence, c'est que moi, c'est la même chose que je vise. Si les moyens à ma disposition, c'est censé être pour tes différents, puis tu te poses pas de questions. Mais c'est précisément la raison pour laquelle j'en ai une différente gestion. Dans ma position, c'est le vrai moyen de pression, c'est boycotter la consommation. Mais si je fais ça, je passe pas la saison. Faut que les masses s'unissent, sinueuses sur la piste. J'suis des réfugiés sinueux que j'me bats pour une cause perdue. Mais avec un smile, j'm'avoue pas vaincu. J'm'avoue pas vaincu. Blissa Apolitique pour finir ce bloc musical. Juste avant, on a entendu une des dernières nouveautés de mon oncle Serge lui-même, et ça s'appelait Chanteur engagé, que moi j'apprécie particulièrement, le ton acerbe et acide de monsieur Serge qui ne fait plus à douter maintenant. Donc Catherine, on a une invitée, notre invitée est arrivée, Madame Rondeau, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors Catherine, vas-y. Bonjour Madame Rondeau, donc juste pour vous mettre nos auditeurs... Les mettre avec nous, Madame Rondeau est membre du comité aux affaires religieuses. Excusez-moi, Madame Rondeau est d'abord professeure en éthique à l'Université du Québec à Rimouski et en philosophie. Elle est membre du comité aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation et de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Et c'est une spécialiste du dialogue interculturel et de l'éthique et culture religieuse. Donc, on l'a invitée aujourd'hui pour qu'elle nous parle de ce qui est en train d'éclater sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Tout le monde parle de Noël sur des vidéos YouTube, sur des images qu'on se passe de sapin de Noël, des images assez vulgaires sur des gens qui commentent des extraits de l'émission Mon Grain ou de d'autres émissions à TVA où des gens disent que leur enfant n'a pas pu parler de Noël à l'école. Il se passe vraiment, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, Mme Rondeau, mais il se passe vraiment, il y a vraiment un feu de paille qui est extrêmement rapide à chaque Noël qui prend sur ces questions-là. Est-ce que c'est basé sur des vraies choses, d'après vous, ou est-ce qu'on s'emballe sur des rumeurs? J'ai pas vu ce à quoi vous faites allusion sur les réseaux sociaux, mais c'est une controverse, en effet, qui revient à chaque année depuis à peu près 5 ans. C'est bien situé dans le temps depuis à peu près 2006, qui correspond au jugement de la Cour suprême sur le cas Multani, qui concernait le port du kirpan d'un jeune adolescent à l'école. Alors, ces rumeurs que vous me décrivez semblent montrer que le mot Noël, ou que même l'usage du sapin de Noël serait un problème et n'aurait plus sa place ni à l'école, ni dans la société de manière générale. Évidemment, c'est une rumeur, donc en ce sens, c'est faux. Il n'y a pas de loi ou de directive du ministère de l'Éducation qui dirait « vous ne pouvez pas parler de Noël, c'est fini ». Pas à ma connaissance. À l'école, la place de la religion à l'école, elle est, en théorie, la religion n'a plus sa place parce qu'on a déconfessionnalisé l'école. On l'a surtout laïcisée. Mais il y a des circonstances dans lesquelles les élèves vont être en contact avec un enseignement culturel des religions dans le cadre du cours éthique et culture religieuse. Et évidemment, on va parler de Noël, de la tradition, de son rattachement à la tradition chrétienne, catholique et protestante, du sens que ça a pour les chrétiens et tout ça, mais dans une perspective culturelle. Donc, en ce sens... Excusez-moi, comme vous dites, dans une perspective culturelle, juste pour faire la différence, c'est qu'ils disent pas « Jésus, c'est vrai, puis c'est ainsi que ça s'est passé ». C'est qu'il s'est raconté d'une manière, avec un peu plus de recul. Avec objectivité, parce que le programme, bien qu'il accorde une prépondérance à la tradition chrétienne, parce que c'est celle de la majorité des Québécois, n'aborde pas le phénomène religieux dans les croyances et dans son sens. On n'essaie pas de savoir si c'est vrai. Donc, c'est pas un discours sur la vérité de la religion. C'est un discours sur qu'est-ce qu'une religion dit, quelles sont ses fêtes, quels sont ses personnages marquants et tout ça. Et on le fait pour toutes les religions, pas nécessairement dans une perspective comparative, mais à terme, je pense que l'élève en arrive à comprendre que ce que les chrétiens font à travers la fête de Noël, les croyants des autres traditions religieuses le font, et les incroyants et les athées le font aussi à travers des rites et des fêtes, comme la fête de Noël, qui est une fête pour laquelle on se retrouve en famille, on célèbre, on mange, on se donne des cadeaux. Il n'y a plus rien de religieux là-dedans, mais... Dans le sapin de Noël non plus, qui n'a aucun lien avec la tradition chrétienne en passant. Je pense pas qu'en Israël, il y avait beaucoup de sapins de Noël au moment où, en Israël, je veux dire, dans le pays où Jésus est né, là. Je me demandais, parce que, donc, ça, c'est le cours éthique et culture religieuse, puis ce qu'on entend, là, par exemple, je donne deux exemples de vidéos, vous les avez sûrement vus, nos auditeurs aussi, vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, j'en doute pas beaucoup. Il y a, par exemple, une vidéo où on voit Mongrain est en train de parler au père d'un jeune qui dit « Ma fille n'a pas le droit de prononcer le mot Noël à l'école, et les étudiants qui ne prononceront pas le mot Noël seront récompensés. » Et là, Mongrain s'insurge à la façon Mongrain, puis ça dure un petit moment, puis ce petit vidéo-là était extrait de l'émission, et tout le monde se le passe, et il y a des commentaires assez violents, ou en tout cas, surtout, souvent, très, très fâchés, puis ça a-tu du bon sens. Puis, il y a une autre vidéo aussi où une jeune mère raconte, c'est une autre émission à TVA, où la mère raconte que sa petite-fille n'a pas pu chanter « Il était une bergère » parce que ça fait référence à l'étable, à Jésus, et qu'au spectacle de Noël, elle a été obligée de chanter « Petit Papa Noël » avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle avait tout appris la chanson, puis que là, c'était bien triste. Puis là, l'animateur, encore une fois, s'insurge, et tout le monde se passait sur Facebook, et s'insurge aussi. Est-ce que le fait, là, on est un peu plus dans la sociologie, peut-être que dans la philosophie, mais est-ce que le fait que il y a une espèce de presse, d'urgence à passer ces vidéos-là, puis à commenter, puis à s'énerver là-dessus. Est-ce que ça serait dû à... Si c'est pas dans les programmes du ministère ou dans aucun cours, ça serait dû à quoi? À des professeurs qui eux-mêmes sont Avez-vous une hypothèse d'où ça pourrait venir? Bien, la controverse dont je parlais depuis 2006 a eu pour effet de polariser les positions, c'est-à-dire il y a des gens qui ont adopté une certaine rectitude politique en disant il faut tout accepter, et d'un autre côté, il y a des gens qui, à l'autre extrême, se sont dit, bon, la religion, il ne faut plus en entendre parler, l'école est laïque, la société est laïque. Cette polarisation, elle est devenue plus importante. Alors, que ce que vous décrivez ait pu arriver, ça se peut très bien. Maintenant, à quoi c'est dû? Je pense que c'est dû à une désorientation du fait que autrefois, il y avait tout autant ou tout aussi peu de religion dans la société. Autrefois, je veux dire, au début des années 2000, dans les années 90, tout aussi peu ou tout autant de religion dans la société, mais c'était moins sous les feux des projecteurs parce qu'il n'y avait pas eu les accommodements raisonnables, il n'y avait pas eu le komultani, il n'y avait pas eu les cas reliés à la présence de la religion dans l'école publique. Alors, les acteurs du milieu scolaire se sentent un peu désorientés et effectivement, ils n'ont probablement pas toutes les lignes directrices dont ils ont besoin pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec des symboles ou avec des faits religieux ou avec la question religieuse à l'intérieur de l'école. Il leur manque peut-être certaines choses. C'est le rôle d'ailleurs du comité aux affaires religieuses de conseiller la ministre de l'Éducation sur cette question-là. Et c'est ce que fait le comité dans son travail. Et on le sent très bien, ce besoin des enseignants d'avoir davantage de repères. Mais la solution, c'est de se fier à son gros bon sens. Mmh. Le rôle de l'école, c'est un rôle pédagogique et s'ajoute à la mission pédagogique de l'école une certaine contrainte qui est celle de la laïcité, mais la laïcité dans la perspective de ne pas empêcher la liberté de conscience et de religion des jeunes. Alors qu'il y a un sapin de Noël dans l'école, ça ne brime pas la liberté de conscience et de religion d'aucun élève. Et maintenant qu'on permette de chanter, il était une bergère, mais c'est la chanson. Sa berger. C'est pas sa berger non plus. Comme n'importe quel chant religieux. D'où viens-tu, bergère? Ah ouais, c'est ça. Bon, d'où viens-tu, ouais, c'est ça. De l'étable. Alors qu'on empêche une élève de chanter cette chanson-là, c'est un peu malheureux parce que même si elle la chantait, ça ne porte pas atteinte non plus à la liberté de conscience et de religion des autres élèves. Mais on sent une telle inquiétude de la part de certains enseignants, pas de tous les enseignants. Il y a des enseignants qui n'ont absolument aucun problème à gérer ça. Mais pour ceux qui ont des inquiétudes, ben, ça peut parfois donner lieu à des situations qui sont plus cocasses que dangereuses, hein, qui sont plus cocasses que pénibles ou quoi que ce soit. On accorde beaucoup d'importance. C'est faire une tempête dans un verre d'eau, finalement. Mmh. Mais de quoi les enseignants ont-ils peur, Mme Rondeau, en agissant ainsi dans les écoles? Je sais que c'est des cas isolés, mais selon vous, d'où ça vient cette espèce de surprudence, de cette turbo, je sais pas quoi, là, on marche sur des œufs tout le temps. Ça vient d'où ça, cette espèce d'angoisse à tomber dans ces domaines-là au niveau des enseignants? Là? Qu'est-ce qui les empêche justement de dire, ben non, mais Noël, finalement, c'est beaucoup plus de prendre position là-dessus et de dire, écoutez, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, selon vous? C'est la peur de se tromper, la peur de faire un mauvais pas, la peur... Ils comprennent le discours de la laïcité, les enseignants, alors, mais ils comprennent peut-être pas suffisamment pour savoir jusqu'où ça peut aller. Dans la pratique sur le plancher des vaches, là, qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas particuliers? Parce qu'ils savent que l'école est laïque, ils savent qu'il s'agit plus de parler de religion au sens d'une quête spirituel. Ça, ils savent tout ça, mais dans les cas concrets, ben, faut peut-être leur laisser quelques années pour se faire à la situation. Hein. C'est 2008, la déconfessionnalisation de l'école. Donc, pour pouvoir arriver à faire face à toutes les situations qui vont se présenter. Alors, ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de provoquer la colère des parents. Puis, c'est pas une blague, mais même si on l'a vu en caricature, c'est pas une blague de dire que maintenant, les enseignants ont pas beaucoup le soutien des parents, sont souvent davantage, subissent l'opposition des parents dans leur travail. Mais ça, c'est un autre sujet, mais ça ressort ici aussi. Mais ça met en tout cas les enseignants dans une posture de peur un peu plus que quand c'est eux qui avaient le gros bout du bâton dans la classe. Ben écoutez, parce que si on oublie la religion, on ne veut pas. Culture et religion se mélangent beaucoup au Québec. Moi, pour ma grand-mère, Noël, c'est encore très religieux. Là. Je veux dire, moi, mes parents m'ont expliqué là, pas plus tard que dimanche qu'ils étaient encore dans la vingtaine et ils allaient aux trois messes. Ça finissait à 3 heures du matin, la messe de minuit. Là. Donc, bon, bon, et c'est encore très, très imprégné. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait peut-être 40 ans, là, ça, 30, 40 ans. Donc, là, il y a un mélange entre la culture et la religion. Il y a pas, justement, il y a pas un manque dans le discours à ce niveau-là de dire que la crèche est beaucoup plus un symbole culturel maintenant. C'est au cœur même de notre évolution ici au Québec. Il y a pas, justement, il y aura pas moyen de prendre position à ce niveau-là, au niveau de la culture, de dire qu'on accepte maintenant la crèche, admettons, comme un symbole culturel québécois, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait place à ça dans le discours? En fait, il y a de la place pour beaucoup de choses à partir du moment où les gens vont cesser d'être rigides par rapport à cette question-là, puis ils vont être plus ouverts. Hein, à partir du moment où ils vont arrêter de craindre que ça déclenche... parce que la rigidité qu'on connaît actuellement, elle a davantage pour effet de rigidifier les positions des communautés, des différentes communautés. Tout le monde veut avoir le droit d'exprimer sa foi, mais tout le monde sait qu'il peut pas le faire à l'école. Dans la réalité, là, qui ça choque, une crèche à l'école? Ben oui, c'est ça que je me demande. Puis surtout que ça crée beaucoup de ressentiment envers les immigrants, alors que je me demande, il est où l'immigrant qui a dit « je veux pas de crèche dans l'école de mon enfant? » Il n'y en a pas. Et à l'inverse, quand c'est la période du Ramadan, de plus en plus au Québec, on est attentif à cette période-là et on est curieux de ce qu'ils font. Quand on sort des préjugés du genre « ah, il peut pas manger de la journée », c'est bien... Aujourd'hui, on peut dire stupide, hein, dans l'actualité, parce que Harper l'a dit. Oui, là, c'est ça. Donc, c'est bien stupide. Ah oui, formidable, merci. Donc, quand on arrête de dire « c'est bien stupide de pas pouvoir manger de la journée », puis qu'on s'intéresse à ce qu'ils font à travers le Ramadan, pourquoi ils le font, la fête... qui suit le Ramadan, mais c'est pas très différent du carême dans le christianisme. Absolument, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais dans le temps, ça se passe différemment. Mais c'est une super fête, surtout quand il se termine. C'est une super fête tous les jours, toutes les nuits du Ramadan, mais aussi à la fin du Ramadan. Alors, moi, je pense que quand on va arrêter d'être si inquiet et rigide par rapport aux religions au pluriel, là, on va découvrir des choses bien, bien intéressantes de part et d'autre. Je pense que dans une société comme le Québec, c'est l'aspect davantage culturel des religions qui va ressortir que l'aspect dogmatique. Oui. C'est une fausse crainte de s'inquiéter du dogmatisme religieux dans la société québécoise. Et là, je vais extrapoler un petit peu. On va passer rapidement là-dessus, si vous voulez bien, parce qu'on pourrait vraiment parler longtemps. Mm-hmm. Mais est-ce que, à quelque part, la peur du terrorisme qui s'est installé en Occident depuis les 10 dernières années ne jouerait pas un rôle là-dedans, justement? On ne veut pas fâcher personne. Question qu'on se prenne un kamikaze en pleine poire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de ça là-dessus, selon vous? Là, c'est plus, on extrapole évidemment, mais est-ce que ça jouerait dans la tête des gens cette crainte-là de se faire surprendre par un méchant terroriste là? Sûrement que dans une espèce d'inconscient collectif, ça joue, mais c'est surfait également. Puis je pense que c'est une peur qui a beaucoup été construite. Une sclérose, clairement. Là, c'est, oui, mais construite politiquement. Même. Construite politiquement par des gens qui voient un intérêt parce que ça a eu un effet sur les libertés. Ça, c'est l'analyse sociopolitique. Mais pour monsieur et madame tout le monde, peut-être qu'effectivement, il y a cette crainte-là qui n'est pas fondée. Évidemment, l'intégrisme de n'importe quelle religion est dangereux parce que on n'a pas besoin que la majorité des adeptes d'une religion soient intégristes pour que ça fasse du mal. On l'a vu avec septembre 2001. Alors, la crainte, elle est réelle, mais je veux dire, on s'empêcherait de tout si on se laissait porter par ça. Dans la société en général, la société québécoise a fortiori, l'intégrisme religieux est à peu près absent. Mmh. Proportionnellement, c'est quasi inexistant. Mais évidemment, chaque fois qu'on a l'impression que ça s'exprime quand on voit une femme voilée, par exemple, là, tout de suite, on monte les choses en épingle alors que c'est une proportion infime. Oui, puis j'ai l'impression là, qu'il y aurait peut-être même au Québec, pour revenir à la rigidité dont vous parliez tout à l'heure, j'ai pas l'impression tant que ça que la rigidité a à voir avec les pratiques des autres. J'ai l'impression que les Québécois, en général, quand ils voient un musulman dire « Non, désolé, je peux pas manger ce midi, je fais le ramadan », on a généralement une réaction assez respectueuse de « Ah, tiens, bon... » Puis on voit là, que la personne se tient droite dans son truc, puis dérange pas personne, dit juste « Moi, je fais le ramadan », puis ça nous impressionne quelque part. Mais c'est quand il s'agit de juger ou de trouver une place à nos propres pratiques, que là, on se sent tout de suite attaqué. Ça nous regarde, donc on est attaqué, on est sûr que les gens veulent nous enlever nos pratiques, que des immigrants veulent nous enlever nos coutumes. Puis même, je vois, il y a Mathieu Bocoté mettait sur Facebook, j'ai entendu deux enseignantes parler dans un café, l'une d'elles a dit « En tout cas, moi, à chaque fois qu'un de mes élèves dit le mot Noël, j'y donne un point. » Fait qu'elle, l'enseignante, elle résistait, entre guillemets, contre ce qu'elle croyait être une réalité de ne pas avoir le droit de dire Noël. Mais dans le fond, tout ça est basé sur une espèce de nuage. C'est absurde, c'est pas basé sur la réalité. Fait que les gens s'insurgent contre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Fait que je me dis, est-ce que je peux, à ce sujet-là, comparer deux réalités scolaires? Oui. Le problème dont vous parlez ne se pose pas dans les universités. Les universités, c'est une micro-société, mais vraiment une micro-société. C'est grand, une université. Et il y a des arbres de Noël, il y a des salles de prière pour les musulmans, et on accommode de plein de manières à peu près toutes les traditions religieuses qui se trouvent dans l'université. Une école, c'est pas une micro-société. Une école, c'est une communauté. Donc, c'est plus homogène, c'est plus serré, et là, les différences paraissent plus et sont peut-être plus inquiétantes en même temps, quoique, on remarque quand même que c'est pas les enfants qui ont des problèmes avec ces différences-là. Non. C'est ça. Et jamais ça. Mais je me demande pourquoi il y a une telle réaction. Tu sais, il y a plein d'autres choses un peu absurdes qui se passent, des rumeurs qui partent, des espèces de règlements bizarres dans tel hôpital ou dans tel... Jamais les gens vont s'enflammer autant que quand il s'agit de ça. Puis ça a l'air d'être une tendance assez occidentale, là. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les mouvements populistes de droite qui, la plupart du temps, anti-immigration en Europe, bien pire que ce qui se passe ici, mais c'est marque un peu cette tendance-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ça arrive au Québec, ce qui est en train d'arriver en France, puis en Autriche, puis un peu partout, où là, les gens, à chaque fois qu'il est question de musulmans, ils s'énervent. Ils s'énervent beaucoup plus que nous, donc il faut l'imaginer, mais... Je pense que la question elle est difficile. Pour beaucoup, c'est l'éducation interculturelle. Pour beaucoup, le programme d'éthique et culture religieuse devrait faire une partie de ce travail-là. Moi, j'y crois. Moi, je pense que dans 20 ans, ces questions-là ne se poseront plus parce que les élèves, les adultes de demain auront passé à travers, auront acquis tellement de connaissances sur les autres ici, mais les autres partout dans le monde, qui se sentiront plus menacés dans leur propre identité. Alors, moi, c'est ce que je pense. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je pense qu'il faut travailler très fort par d'autres moyens à déconstruire les préjugés à l'égard de l'autre, à travers les médias, à travers les arts, je dirais pas à travers la philosophie parce que c'est toujours, ça s'adresse toujours à un public restreint, mais par tous les moyens qui existent, et à favoriser le débat sur la question, mais un vrai débat. Mmh. Un débat, c'est pas attaquer l'autre par des arguments qui sont pas des arguments, mais c'est d'essayer de voir sur quoi s'appuient nos craintes, quels sont les arguments qu'on construit pour être contre telle chose ou telle chose, puis examiner la valeur de ces arguments-là. Par exemple, si on dit qu'on peut pas aller voter à visage couvert parce qu'il y a un enjeu de sécurité, faut arriver à le comprendre, l'enjeu de sécurité. Est-ce qu'il existe cet enjeu-là de sécurité quand il s'agit de prêter serment à la reine? Qu'est-ce que ça change qu'une femme prête serment à la reine sous un voile ou sous un niqab ou sous une burqa? Il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Donc, il faut vraiment arriver à voir là où sont les enjeux importants, puis ceux qui peuvent causer certaines difficultés au vivre ensemble, et arriver à en discuter. Mais c'est extrêmement difficile dans la mesure où les gens ont des positions très, très, très, très campées, très, très campées, parce que probablement que ça touche quelque chose de très, très sensible. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, c'est bien beau se s'ouvrir, avoir des connaissances sur l'autre. Le cours d'éthique et culture religieuse a été très, très critiqué par beaucoup de gens en disant leur critique principale, en fait, c'est on veut tellement, encore une fois, le Québec dans son syndrome d'infériorité veut tellement s'ouvrir aux autres que là on va s'ouvrir aux autres, on va comprendre les autres, puis on ne demandera pas aux autres de nous comprendre, on va pas s'affirmer, on va pas défendre des valeurs. C'est quoi votre contre-critique, votre contre-argument à cette critique-là? Moi, ma position, c'est que Bon, d'une part, je pense pas que l'identité québécoise soit menacée par quoi que ce soit. Ce qu'on appelle la culture, c'est quelque chose qui est dynamique partout dans le monde, la culture québécoise aussi. C'est quelque chose qui est appelé à changer. Il y a aucune culture pure nulle part dans le monde. On a essayé d'en faire, ça s'appelait le nazisme, hein? mais il y a aucune culture pure dans le monde. Toute culture est le produit d'une acculturation, c'est-à-dire de rencontres de différentes cultures. La culture québécoise, elle est très particulière. C'est la rencontre de la culture européenne, française et la culture britannique, puis c'est la rencontre d'une culture européenne avec une culture américaine. C'est une culture qui a à s'affirmer face à plein de cultures différentes, comme toutes les autres, mais parce qu'on n'est pas très nombreux non plus comme Québécois. Et tout ça, ça fait de la culture québécoise quelque chose d'extrêmement particulier, mais qui n'a jamais été anciennement ce qu'elle est aujourd'hui et qui ne sera pas dans 300 ans ce qu'elle est aujourd'hui. Pour des raisons démographiques, on a une nécessité d'être ouvert à l'immigration. Ça, c'est pas un mythe, ça, c'est pas une rumeur, c'est un fait réel. Et je regarde, moi, dans mon quartier, j'habite Saint-Roch, je suis passée à côté de l'école Saint-Roch en m'en venant ici, il y avait plein d'enfants de couleur qui sortaient de l'école, et je me disais, ah, tiens, ça, c'est plus juste la réalité de Montréal, c'est la réalité de Québec aussi. Mmh. À Rimouski, où j'enseigne, c'est un petit peu la même chose, on voit de plus en plus chaque année des étudiants africains, dont certains vont finir par s'installer à Rimouski. Le visage du Québec change et ces nouveaux arrivants amènent avec eux des choses qui ne sont pas déplaisantes. Et ce qui va rester des immigrants, ce n'est pas l'intégrisme religieux. Parce qu'après trois générations, la petite fille musulmane va être devenue une Québécoise et elle n'aura pas converti l'ensemble des Québécois à l'islam. Non, c'est ça. Il y a peu de chances que ça arrive. Alors moi, je pense que il n'y a pas un danger, mais on peut le présenter comme un danger pour des raisons idéologique. C'est dangereux. Justement, dans la suite de l'émission, Mme Rondeau, on va parler d'un certain Vladimir de Thésy, justement, qui a élaboré une théorie, voilà, une doctrine, si vous voulez, là, sur une forme de souverainisme. C'est un Haïtien d'origine, donc voilà, les nouveaux Québécois aussi sont maintenant de toutes sortes d'origines. Le métissage est une grande force, c'est une grande richesse du Québec. Il faudrait arrêter d'en avoir honte, justement. Puis c'est peut-être parce que nous, les Québécois, là, dit de souche, entre guillemets, blancs, francophones et de souche aussi chrétienne et tout ça, on a un peu comme disait Catherine, une espèce de sentiment on se sent attaqué tout le temps dans nos racines et on ne devrait pas, au contraire, on devrait être fiers d'apporter ces gens-là. Moi, il faut chercher, en fait, pour qu'on réagisse si violemment. En fait, je dis « on », là, je parle des gens qui réagissent, qui commentent sur les vidéos dont je vous parlais, puis tout ça. Pourquoi il y a une telle violence, un tel sentiment de défense, comme vous disiez, une telle peur et l'ignorance. Oui. C'est les deux explications, la peur et l'ignorance. Donc, travaillons sur l'ignorance, la peur disparaîtra peut-être. Souhaitons-le, en tout cas. Très bien, Mme Rondeau, mais merci beaucoup de votre présence. Ça éclaire vraiment sur toutes sortes de choses. C'est bien de voir que des gens se penchent sur ces problématiques-là. Merci beaucoup, Catherine, pour l'entrevue. Eh bien, on vous souhaite de joyeuses fêtes, Mme Rondeau. Profitez-en bien avec votre famille. Et puis, nous, on prend une pause. Au retour, on va entendre M. Patrick Bonin, qui est de l'Association québécoise de lutte pour la pollution atmosphérique, chef de délégation pour cet organisme-là à Durban la semaine dernière en Afrique du Sud. Donc, là-dessus, vous nous rappelez. Je suis très fier d'être Canadien. En ce moment. Et oui, qui va nous expliquer justement ça a été quoi son rôle, le rôle de son organisme et qu'est-ce qui s'est passé. Il va se prononcer évidemment sur la position du gouvernement Harper. Là-dessus, bloc pub et en musique, on va se faire chanter Noël justement. Vaut mieux en rire, n'est-ce pas? Ce sera RBO et le Boom Ding Band qui nous chantera Noël. Pour l'instant, publicité. Le jeudi au sacrilège, c'est le jeudi show. Matt Lipscomb nous présente son deuxième disque en anglais intitulé Jaywalking, un album intime où le chanteur folk nous livre 13 chansons aux arrangements guitare-voix. Ne manquez pas ce phénomène unique dès 18h ce jeudi au Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. It's high time that something gets done. The youth and the police are living by the gun. CKRL 89.1.

donnes le cadeau. Tu fais semblant d'être en joyau. Comme tu le sois de ton beau-frère, ben le gars, il se tenait. Ma tante Aline est dans les cimetières pour tromper sa folie de guerre. 3 000 piastres pour vite journée. Le Boom Ding Bang à CKRL 89.1, chantait Noël. Le Père Noël, c'est un Québécois. Et pour finir, c'est Nono Noël. Pour débuter, en fait, c'est Nono Noël de nos bons vieux amis de RBO. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de La Fausse Patte sur CKRL 89.1, cette édition de décembre. On vient de parler à Mme Dany Rondeau sur toute cette histoire-là de on n'a pas le droit de dire Noël dans les écoles à cause des écoles. Bon, en fait, on a démystifié tout ça. Une très bonne entrevue. Bravo, Catherine. Merci beaucoup. Et la semaine dernière, on a parlé avec un certain Stephen Guilbeault, je pense un homme assez célèbre, en direct de l'Afrique du Sud, sur les enjeux de cette conférence sur les changements climatiques qui avait lieu à Durban, en Afrique du Sud. On avait aussi d'autres Québécois qui étaient là, qui étaient présents. Donc, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Et son chef de délégation est en ligne présentement. Monsieur Patrick Bonin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Ça va très bien. Écoutez, Monsieur Bonin, tout d'abord, nous expliquez rapidement. Vous êtes aussi directeur de Climat Énergie Québec, c'est bien ça? Je suis directeur Climat-Énergie à la QLPA, ouais. OK, bon, voilà. Et c'est un peu, expliquez-nous un peu votre rôle à la base, directeur Climat-Énergie et votre association, je pense, on la connaît un petit peu, mais plus en détail, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'interventionnisme en environnement? En gros, la QLPA travaille principalement notamment au niveau provincial et fédéral. Donc, on s'assure d'avoir les meilleures politiques en matière de lutte au changement climatique. On s'assure qu'une fois que les politiques sont mises en place, qu'elles sont respectées et qu'on atteint nos objectifs. Donc, on pousse le gouvernement du Québec à se dépasser, à respecter ce que la science nous dit qu'on va faire en matière de lutte au changement climatique. Et mon rôle, évidemment, c'est de superviser au niveau, justement, des orientations en matière d'énergie et climat au sein de la QLPA. Donc, c'est un groupe de lobbyistes, en fait, qui milite en faveur d'une prise de conscience plus forte des changements climatiques et de la pollution atmosphérique, en fait, c'est ça? C'est bien ça? On est un organisme à but non lucratif, une ONG qui est au Québec depuis 30 ans, avec comme mission, justement, de s'assurer qu'au niveau de la qualité de l'atmosphère et de l'air, on ait une bonne qualité de l'atmosphère et de l'air. Donc oui, en effet, une partie de notre travail, c'est de faire du lobbyisme, si on peut dire. Donc c'est de travailler avec les gouvernements ou contre les gouvernements, indépendamment de leur position. Mais également une dimension d'éducation et de sensibilisation du grand public sur les enjeux liés à la qualité de l'air et au changement climatique. Très bien. Et quand vous participez plutôt à une conférence comme celle de Durban, qui est majeure, en fait, qui est mondiale, comme celle de la semaine dernière, c'est quoi vous faites? C'est quoi votre plan de match, par exemple? Vous débarquez à Durban, là, et c'est quoi vous faites? Là, comment vous meublez votre temps, justement? Là, vous travaillez comment, avec qui et comment? Voilà. C'est une grosse journée. Déjà, on travaille peut-être en moyenne quasiment 14, sinon plus, heures par jour, et ça pendant 2 semaines consécutives. La QLPA est membre du Réseau Action Climat Canada, qui regroupe toutes les ONG principales qui travaillent sur la question des changements climatiques. Donc, notre premier rôle, c'est d'assurer de voir quelle est la position canadienne au niveau des négociations internationales, de faire connaître cette position-là, de tenter de l'influencer, et sinon de la décrier si, évidemment, elle ne va pas dans la bonne direction. On travaille également avec le Réseau Action Climat International, qui est le réseau, le pendant, si vous voulez, de ce qu'on a au Réseau Action Climat Canada, mais au niveau international, c'est 700 ONG dans plus de 90 pays à travers le monde qui travaillent justement à influencer les gouvernements pour s'assurer qu'on obtient la meilleure entente possible et que l'intégrité environnementale soit au centre de cette entente-là entre les différents pays. Donc, on travaille au niveau canadien, au niveau international à aider le réseau international et évidemment aussi on suit au niveau du gouvernement du Québec. Malheureusement, le gouvernement du Québec n'avait pas de représentant sur place, mais les positions du gouvernement du Québec lors de ces négociations-là aussi. Puis là, comment vous faites pour négocier ou en fait faire pression contre un gouvernement majoritaire conservateur qui dit que Kyoto, c'était stupide? Ben, écoutez, c'est sûr qu'on fait notre effort de sensibilisation et d'éducation de nos politiciens. Vous êtes quand même assez conscient de la fin de non-recevoir qu'on peut avoir avec ce gouvernement actuellement. Ce qui veut dire qu'on est quand même assez limité, et ça depuis peut-être 5 ans environ là, que les conservateurs ont cette position. On est quand même assez limité dans ce qu'on peut faire, si ce n'est que de s'assurer que leur position, leur prise de position et leurs ambitions soient mises à nu, donc sur la place publique, de s'assurer que s'ils disent des niaiseries, on les pointe du doigt et que c'est repris par les médias. Entre autres au niveau de vous avez eu probablement le fossile de l'année au niveau canadien, encore une fois le fossile de l'année, c'est le prix qui est remis au pays qui a le plus nuit aux négociations internationales. Évidemment, c'est plate, mais on en est rendu là. Une de nos responsabilités, c'est de s'assurer que si le Canada nuit aux négociations, que ce soit connu de tous. Et c'est ce qui a malheureusement mené à l'octroi de 5 années consécutives du prix fossile de l'année au Canada. Très bien. On va parler de Durban plus précisément. Ça a été un peu une espèce de vaudeville, cette conférence-là. Premièrement, le Canada a sorti, a menacé de quitter Kyoto. Là, présentement, on sait très bien qu'il l'a fait. Après ça, il est revenu pour dire que non, il va faire des propositions sur une nouvelle forme de proposition. Il a même fait la morale à certains pays. Après ça, il s'est rétracté. On devait mettre fin à la conférence le vendredi. Finalement, ça s'est étiré jusqu'au dimanche. On en est venu. Il s'est passé toutes sortes de choses. Je pense que le commun des mortels a de quoi vraiment se perdre là-dedans. Est-ce que c'est possible pour nous, s'il vous plaît, M. Bonin, de faire une espèce de compte-rendu de ce qui s'est passé, des événements, et où on en est maintenant avec cette entente mondiale de lutte au changement climatique? Écoutez, peut-être en résumé, quels étaient les grands enjeux de Durban, de cette conférence annuelle sur les changements climatiques? Cette année, c'était à Durban. Un des enjeux, c'était évidemment la suite du protocole de Kyoto, parce que le protocole de Kyoto, la première période d'engagement du protocole de Kyoto se termine à la fin 2012, donc c'était de s'assurer qu'il y a une suite à ce protocole-là, qui est le seul instrument qui force les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En parallèle à ça, on voulait avoir un mandat pour éventuellement avoir une entente plus large qui inclut les grands émetteurs et les pays émergents comme la Chine, le Brésil, l'Inde, également les États-Unis, parce que ces pays-là ne sont pas dans le protocole de Kyoto. ça, c'était un des objectifs. Après ça, on voulait s'assurer que les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire nous permettent d'éviter les changements climatiques catastrophiques ou un réchauffement planétaire de 2 degrés Celsius, comme on entend souvent parler. Et troisième objectif, c'était d'avoir la mise en place d'un fonds vert, un fonds qui a comme objectif d'avoir 100 milliards de dollars d'ici 2020, et ce par année, pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était les trois objectifs. Pas ceux du protocole de Kyoto, embarquer les autres pays dans un protocole, s'assurer qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, puis s'assurer qu'on met de l'argent dans un fonds vert pour aider les pays en développement. En gros, ça, à quoi on... Ah, écoutez, c'est... Je vous dirais, la conférence est relativement décevante, en ce sens qu'on n'a pas été capable de faire... de bouger sur la question des réductions d'émissions planétaires pour éviter les changements climatiques catastrophiques. Actuellement, on se dirige vers des augmentations de l'ordre de 3,5 degrés Celsius au niveau planétaire, ce qui est beaucoup plus élevé que le 2 degrés Celsius que la science nous dit qu'on doit respecter pour éviter les changements climatiques catastrophiques. Donc, premier constat, si en 2009 à Copenhague, on se souvient à Copenhague la conférence, on disait qu'il fallait absolument une entente, qu'il fallait absolument régler le problème. 2 ans plus tard, on n'a pas encore avancé sur la question de l'ambition en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a eu des commentaires à Durban là-dessus? Est-ce que les États ont dit, bon, est-ce qu'ils ont relevé le fait que 3,5 degrés, c'est plus que 2? Écoutez, le seul oui, c'était relevé. Par contre, il y a une différence entre relever le fait, comme il a déjà été dit. Donc, on reconnaît qu'il y a une urgence à lutter dans les changements climatiques, une grande urgence. Par contre, concrètement, on n'a pas vu de différence. Il n'y a pas aucun pays qui a dit « moi, je vais réduire davantage mes émissions de gaz à effet de serre », ce qui veut dire qu'on n'a pas réglé ce problème-là. La seule chose qu'on a, c'est un plan de match. Donc, on devrait avoir, dans l'année 2012, un groupe de travail qui va arriver l'année prochaine avec des propositions de solutions pour les gouvernements, des pistes de solutions. Là, les gouvernements vont devoir en débattre. Mais ce qui remet quand même, dans un an, l'augmentation de l'ambition en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et vous savez probablement que plus on attend, plus c'est difficile, plus ça va coûter cher de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et plus on se rapproche inutilement d'un réchauffement planétaire problématique. OK. Maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé à Durban pour qu'il y ait tant de sable dans l'engrenage, pour que ça ne fonctionne pas? Et n'hésitez pas, M. Bonnet, si vous avez envie de pointer les gens du doigt, faites-le, parce que je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, là? Qui a été le chien dans le jus de quille à Durban? Écoutez, c'est sûr que le Canada, je pourrais vous parler du Canada en large, là. Pardon? Ne vous gênez pas? Oui, je pense qu'on connaît assez les positions canadiennes, là, qui sont clairement d'en faire le moins possible et ça le plus tard possible. C'est ça pourquoi le Canada a obtenu encore une fois le fossé de l'année. Le Canada a été pointé du doigt par tous les pays ou presque les pays majeurs. J'entends par là la Chine, j'entends l'Inde, l'Afrique du Sud, en fait le groupe Afrique au complet, les 54 pays d'Afrique, également le Brésil, même l'Union européenne. Donc en ce sens, ça a quand même été un gros revers au niveau de la diplomatie canadienne et le Canada a été mis à nu dans son désir d'inaction, si vous voulez. Mais dans le contexte réel des Nations Unies, dans cette enceinte-là, dans ces négociations internationales-là, c'est sûr que le Canada, malheureusement, est rendu marginal. Est passé d'un statut de pays qui avait une approche consensuelle, qui voulait faire bouger les choses au niveau international, un petit chien de poche des États-Unis qui n'a plus vraiment de pouvoir au niveau international et dont la position n'intéresse presque plus personne parce que la crédibilité n'est plus là. Ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, si on regarde les villages voisins, ce sont les États-Unis qui, en raison de leur réalité domestique au niveau des États-Unis, avec une majorité républicaine au Congrès, avec une difficulté pour le président Obama à la veille d'élections présidentielles de prendre des positions plus ou moins controversées. Donc, vraiment, peu de marge de manœuvre au niveau des États-Unis. Donc, vraiment, une inaction des États-Unis, ce qui fait que tous les grands pays émergents qu'on pointe du doigt et qu'on dit vous devez réduire vos émissions, soit la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, ces pays-là se retrouvent dans une situation où on doit même en faire plus, alors que les pays développés, les pays riches comme les États-Unis, ne font rien. Donc évidemment, on a ce qu'on appelle un nœud où les partis ne peuvent pas bouger en raison de l'inaction de gros joueurs. Bon, très bien. C'est vraiment une question de c'est de ta faute, non, c'est de la mienne, c'est de la tienne. Maintenant, quels sont les arguments qui sont apportées par les pays, les principaux joueurs, pour refuser de prendre des mesures afin de se discipliner à ce niveau-là, au niveau des gaz à effet de serre. C'est quoi les principaux arguments que vous entendez de la part de ces gouvernements-là? Il y a deux catégories de gouvernements là, qu'il faut bien différencier. Dans un premier temps, les pays développés qui ne veulent pas aller de l'avant. On va jumeler dans ce panier-là. Les États-Unis, le Canada sont probablement les deux pires. Là, disons les vraies choses. L'Australie a été particulièrement mauvais, la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vraiment États-Unis, Canada et peut-être Nouvelle-Zélande les pires. Ça, c'est les pays développés. D'un côté, on a les pays émergents. La réalité est que les pays développés, un, sont riches et développés. Et deux, sont responsables des émissions d'une très grande partie, la majorité des émissions historiques depuis l'industrialisation, si vous voulez, là, donc sont responsables des problèmes de changement climatique, alors que de l'autre côté, les pays en émergence ont des problèmes encore de pauvreté dans leur pays, n'ont pas encore développé leurs industries, leurs sociétés comme nous, et donc c'est vraiment une autre réalité. Donc les pays émergents, ce qu'ils disent, c'est nous, on est prêts à faire notre effort au niveau de la lutte au changement climatique, mais c'est pas vrai qu'on va assumer la responsabilité que les pays développés n'ont pas voulu assumer. Et donc, c'est pas vrai qu'on va prendre le leadership si on n'a pas une certitude que les pays développés bougent et donc que les États-Unis prennent des engagements et que les autres pays poursuivent le protocole de Kyoto. Et est-ce que ça comprend aussi, est-ce que les pays en développement disent, puisque c'est vous qui avez, entre guillemets, pollué la planète, aidez-nous, transférez-nous de la technologie. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une exigence de ça du côté des pays en développement? Cette exigence-là existe essentiellement au niveau de ce dont je vous parlais tantôt, au niveau du Fonds vert pour le climat. Ouais. Donc, le fonds qu'on demande aux pays développés, également, il y a d'autres processus là, pour mettre de l'argent dans ce fonds-là qui sert aux pays les plus vulnérables et les pays les moins avancés à s'adapter au changement climatique, parce qu'il y en a qui subissent déjà des problématiques, que ce soit au niveau de l'augmentation du niveau de la mer, les événements extrêmes, les sécheresses, la fonte des glaciers, etc. Donc, les pays qui n'ont pas les moyens demandent de l'argent pour pouvoir s'adapter parce qu'ils ne sont pas responsables du problème qui les afflige. Et également, pour ce qui est du transfert de technologie, comme vous l'avez dit, pour ce qui est du virage vers les énergies vertes au lieu de recréer les erreurs qu'on a fait dans les pays développés. Donc, oui, à ce niveau-là, il y a une demande de la part des pays émergents. Et encore une fois, ce qu'ils disent, c'est pays développés, faites votre part, montrez-nous que vous êtes sérieux dans vos réductions d'émissions de gaz à effet de serre, montrez-nous que vous êtes prêts à nous aider à nous adapter au changement climatique et à faire le virage de l'économie verte, et nous allons suivre par la suite en faisant notre part et en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre de notre côté. OK, et c'est quoi les arguments des pays comme le Canada et les États-Unis pour ne pas emboîter ce pas, justement? Ça vient d'où, ça, cette obstination à renier l'évidence et à fermer les yeux devant là, ce qui est de plus en plus criant là, comme urgence? C'est quoi les arguments qu'ils apportent, en bout de ligne? Écoutez, je peux vous parler des arguments qui sont fallacieux, qui tiennent pas la route, ou je peux vous parler des vraies raisons qui font qu'il y a de l'inaction auprès des pays développés. Les États-Unis et le Canada, à la base, l'argument, c'est les pays développés, on ne veut pas bouger, on ne veut pas aller de l'avant parce que c'est pas tous les pays qui sont contraints, la Chine, l'Inde, ils sont pas contraints, alors que si on regarde la réalité, en termes d'émissions par habitant, par capita, les pays développés comme le Canada, ils émettent trois fois plus que la Chine par habitant. Même chose pour les États-Unis. Et quand on parle de comparaison avec l'Inde, c'est presque cinq fois plus, même plus que cinq fois plus que l'Inde par habitant, encore une fois, les émissions du Canada. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence et qu'on ne les met pas sur le même niveau. Donc, ce qu'ils disent, c'est, nous, on veut pas aller de l'avant dans nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre, Kyoto, c'est pas intéressant parce que ça n'inclut pas tous les pays. Évidemment, c'est un prétexte à l'inaction, c'est un prétexte pour ne pas aller de l'avant et de dire on va remettre à plus tard nos obligations de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'essentiellement, on le voit très bien au niveau du gouvernement canadien, si on le prend comme exemple, ce gouvernement est très près des entreprises pétrolières et gazières qui font énormément de lobbyistes pour avoir le moins possible de réglementation, pour avoir le moins de bâtons dans les roues, pour favoriser le développement des sables bitumineux au Canada. Et le gouvernement européen est très près de ces compagnies-là, que ce soit en termes de nombre de rencontres. Si on regarde les rencontres du ministre de l'Environnement, il a rencontré trois fois plus souvent l'industrie pétrolière et gazière que les groupes environnementaux pour un ministre de l'Environnement. C'est assez particulier, vous l'admettrez. Bon. Oui, voilà. Donc, si on poursuit là-dessus, justement, de ce fameux Canada, écoutez, la semaine dernière, lorsqu'on parlait à M. Guilbeault, il nous disait que le Québec était vraiment un meneur au niveau de l'Amérique en ce qui a trait les réductions des gaz à effet de serre. Évidemment, il n'a pas encore rencontré tout à fait ses objectifs, les objectifs de Kyoto, mais il y travaille très fort. Donc, et la Colombie-Britannique également serait un grand leader. Donc, pourquoi, à ce moment-là, si ces deux provinces-là, qui sont quand même assez populeuses, qui ont de l'importance, une certaine importance démographique dans le Canada, politique, ça c'est une autre histoire, si ces deux provinces-là, justement, sont presque dans les objectifs de Kyoto, pourquoi le Canada est-il un si mauvais joueur? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans le Canada, on émet autant de gaz à effet de serre? Il est très clair que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Canada, la grande majorité, c'est l'explosion au niveau des sables bitumineux de tout ce complexe industriel-là, extrêmement large et extrêmement lourd en termes d'industrie, qui explose. Après ça, évidemment, il y a au niveau de la base conservatrice, de la base des électeurs au niveau conservateur et également, si on regarde les financiers au niveau des partis politiques, ils sont très près des pétrolières et donc, ils ne veulent pas, ils n'ont pas bougé sur les changements, sur la question des sables bitumineux, faire en sorte que le gouvernement canadien ne peut presque pas bouger sur aucun enjeu en lien avec les changements climatiques, parce que le jour où le gouvernement canadien va regarder et déclarer les changements climatiques comme étant un vrai problème, immédiatement les sables bitumineux vont être pointés du doigt. Donc, c'est très, très clair que si le gouvernement canadien dit qu'il veut faire quelque chose et être sérieux dans la lutte au changement climatique, tous les regards vont être tournés du côté des sables bitumineux et le gouvernement canadien ne veut pas ça présentement. C'est très ça bien. Le problème à la base. Et là, évidemment, que vu que le Canada n'a pas rempli ses obligations envers Kyoto, j'ai vu, c'est un phénomène que je comprends un petit peu mal, j'ai vu passer des chiffres, il devrait payer une dette, une amende, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça? Quand il parle de 14 milliards, là, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? C'est un chiffre, là. Le Canada, maintenant, est pris en faute et lui, il doit payer 14 milliards. C'est quoi ça, M. Bonin? C'est des choses que je comprends mal. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Bon, je vais vous expliquer ce fameux 14 milliards qui, encore une fois, est un exercice de relations publiques de la part des conservateurs pour dire, en gros, que le protocole de Kyoto ne fonctionne pas. Le protocole de Kyoto est un complot socialiste. Le protocole de Kyoto va nous coûter cher. Donc, c'est vraiment un argumentaire fallacieux de la part des conservateurs. Le calcul de 14 milliards a tout simplement été ainsi fait. Le gouvernement canadien n'a rien fait pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont peu à peu mis en place un plan. Ils ont agi peu, mais ils sont arrivés à avoir un plan de lutte au changement climatique que les conservateurs ont jeté dès leur arrivée au pouvoir. Ont jeté toutes les autres mesures, ce qui fait que les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont continué d'augmenter au lieu de descendre comme ils devaient descendre dans le protocole de Kyoto, selon les objectifs du protocole de Kyoto. Donc, les émissions du Canada sont beaucoup plus élevées que ce qu'il devait faire à l'intérieur du protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto, il prévoit que si on n'atteint pas nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour la première période d'engagement, soit 2008 à 2012, si on n'atteint pas son droit de réduire suffisamment nos émissions, il va falloir, dans la deuxième période d'engagement, réduire nos émissions, compenser pour ce qui n'a pas été réduit dans la première émission. Dans la première période. Donc, par exemple, si en 2008-2012, le Canada n'avait pas réussi à diminuer d'une tonne de gaz à effet de serre, ce qu'il devait réduire, cette tonne-là, il va falloir qu'il la réduise dans la deuxième période d'engagement, dans la poursuite du protocole de Kyoto. Le calcul a été tout simplement fait comme ça, en disant, vu que le Canada n'a rien fait dans la première période d'engagement, il y a quelque chose comme 700 millions de tonnes qu'il doit réduire dans la deuxième période d'engagement, 700 millions de tonnes à 30 $ la tonne, par exemple, ça donne un chiffre de 14 milliards plus ou moins. OK. D'accord. C'est comme ça qu'on en est venu en calcul, à sortir un chiffre énorme. Donc, et c'est ce qui justifie la sortie. On se sert de ce chiffre-là pour convaincre les contribuables au niveau d'Ottawa de sortir du protocole de Kyoto, je comprends bien. C'est ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre-là est complètement théorique. Un, parce que le Canada a dit, moi, de toute manière, que vous me dites n'importe quoi, je ne continuerai pas la deuxième période d'engagement. Très bien. Donc, il devait réduire ses émissions, non atteint dans la première période, les réduire dans la deuxième période, mais il ne sera pas dans la deuxième période de toute manière. Donc, de toute manière, il n'aurait pas eu à le réduire. Et s'il était resté dans la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, il aurait pu étaler ses réductions d'émissions jusqu'en 2020, par exemple, et choisir des objectifs, des cibles un petit peu plus faibles pour compenser, justement, les réductions supplémentaires à faire. Et il n'aurait pas à débourser d'argent. C'est simplement un chiffre qu'on a voulu nous présenter en disant Kyoto est mal fait, Kyoto ne fonctionne pas, alors que Kyoto fonctionne, et c'est plutôt les politiques des gouvernements qui ne fonctionnent pas, et c'est plutôt le manque de volonté qui un exercice de démagogie parce que, je veux dire, n'importe quel traité où on espère que des gouvernements puissent s'entendre ensemble, il faut qu'il y ait des sanctions si jamais ils respectent pas leurs engagements. Donc là, le Canada a une sanction, c'est-à-dire si vous faites pas partie de la deuxième phase, ben d'abord, il faut payer 14 milliards. Puis là, ben le Canada dit non, puis se sert de ce chiffre-là pour dire aux Canadiens, regardez, ça vous coûterait tant, donc on a bien fait de s'en foutre, c'est bien ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de police internationale qui est là pour faire respecter le protocole de Kyoto. Ça veut dire que si le Canada décide de se retirer après la première période d'engagement du protocole de Kyoto, il n'y a personne, il n'y a aucune instance qui va arriver dans le bureau du premier ministre et dire « Vous n'avez pas respecté vos objectifs, vous nous devez 14 milliards. » Non, c'est ça. Et en fait, la seule réelle punition qu'ils ont, c'est l'opprobre des autres chefs d'État, dans le fond. Qui n'est pas rien, quand même. Qui n'est pas rien comme punition, parce que évidemment, on se retrouve dans une situation où le gouvernement canadien a vraiment subi une perte de crédibilité assez énorme au niveau international. C'est un bon. Quand on a aux Nations Unies, qui est quand même un forum diplomatique, là, et quand vous avez le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud qui vous critiquent ouvertement, c'est quand même assez rare et ça ne peut pas ne pas se répercuter dans d'autres relations, parce que ce sont des relations économiques aussi, Kyoto, et de penser que ce type d'attitude-là ne va pas nuire au Canada, c'est vraiment avoir une vision à court terme. En fait, le Canada fait un peu comme Lucien Bouchard. Il avait beaucoup de crédibilité et il l'a vendu aux enchères. Oh, je suis d'accord. Bien d'accord. Bon, très bien, très bien, M. Bonin. Je ne pensais pas que vous alliez vous prononcer là-dessus. Deux questions rapidement avant de terminer, M. Bonin. Premièrement, est-ce qu'il y a de l'espoir, là, à la sortie de cette conférence de Durban, est-ce qu'il y a des nations dans le monde qui, elles, sont montées au bat en bon français pour dire c'est un réel problème, c'est cruel, c'est urgent, il faut bouger? Est-ce qu'il y a des nations d'importance sur la planète qui, elles, militent très fortement pour ça et qui se coltaillent carrément avec le Canada et les États-Unis pour que ça marche? On a vu, dans le sens, on a la suite du protocole de Kyoto. L'Union européenne a dit, moi, coûte que coûte, j'y vais de l'avant avec le protocole de Kyoto. Une deuxième période d'engagement après 2012, soit 2013 à 2017 à peu près, c'est la nouvelle période d'engagement. Ils ont dit, nous, on prend ça comme objectif. L'Australie a suivi, la Nouvelle-Zélande a suivi, la Norvège, la Suisse ont suivi, qui ne font pas partie de l'Union européenne actuellement, du moins au niveau du protocole de Kyoto. Donc, on voit une volonté de ces pays-là et les autres pays, les pays les moins développés, ainsi que les pays insulaires qui sont très vulnérables face au changement climatique en raison de l'augmentation du niveau de la mer, entre autres, là, on dit, nous, on va appuyer l'Union européenne là-dedans et on va faire en sorte que nous embarquons aussi dans une deuxième période d'engagement pour le protocole de Kyoto. Donc, cette idée-là a fait en sorte que la Chine et l'Inde ont ouvert leur jeu, ont montré davantage de flexibilité à dire, OK, pour la première fois, la Chine et l'Inde, pays émergents, sont prêts à négocier une entente pour qu'en 2020, ils soient prêts à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une première, encore une fois, quand on regarde en termes d'où est rendu l'Inde et la Chine comme pays. Évidemment, ce sont des pays en explosion, mais ce ne sont pas des pays industrialisés, développés comme nous, avec beaucoup plus de pauvreté. Donc ça, c'est très clair qu'il y a de l'espoir, parce que c'est la première fois qu'on a ces pays-là qui reconnaissent qu'il va falloir qu'ils fassent des efforts et qu'ils sont prêts à dire on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre à partir de 2020. Okay. Il y a les États-Unis aussi qui s'embarquent dans un processus, mais les États-Unis, tout dépendra de l'élection présidentielle et encore leur situation domestique est assez critique. En terminant rapidement, en une minute, M. Bonin, parce que le temps file, le bulletin du Québec au niveau du protocole de Kyoto, ça a l'air de quoi selon votre association? Ben, ce qu'il faut comprendre, et je vais être obligé de le préciser, le Québec n'atteindra pas les objectifs du protocole de Kyoto. Pour le Québec, les objectifs du protocole de Kyoto, c'est moins 6% par rapport à 1990 pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et on va peut-être atteindre en 2012 moins 6%, et encore, ce n'est pas certain. Ce qui veut dire que ça, malheureusement, le Québec a manqué la première marche. Par contre, le gouvernement du Québec est quand même parmi les plus actifs en Amérique du Nord. Il va falloir qu'il en fasse davantage, qu'il démontre clairement sa volonté et qu'on soit capable de le suivre avec son nouveau prochain plan d'action de lutte au changement climatique qui s'en vient et qu'il va surtout falloir que, concrètement, au niveau des transports, on règle notre problème actuel parce que nos émissions dans le transport sont encore en hausse et c'est le nerf de la guerre pour le Québec et malheureusement, c'est pas encore fait. Monsieur Bonin, merci énormément de cette vulgarisation, de cet éclairage sur les grands enjeux qui se sont discutés la semaine dernière à Durban. Merci beaucoup. Merci. Alors, continuez votre travail, votre cette croisade que vous avez entreprise. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Portez-vous bien. Et si, mesdames et messieurs, on parlait avec M. Patrick Bonin, qui était de l'Association québécoise de lutte pour la pollution atmosphérique, contre la pollution atmosphérique. Il était chef de délégation de cette association à Durban la semaine dernière en Afrique du Sud. Cette association qui fait pression sur les gouvernements, justement, pour prendre conscience de donner toute l'importance nécessaire au changement climatique, au réchauffement planétaire. Donc, toujours à l'antenne de la fausse patte, Christian Saint-Pierre, Catherine Dorion. On revient après la pause et un bloc pub avec, voilà, en parlant justement de ces émissions de gaz à effet de serre, il y a un concept qui commence à circuler sur Internet, un État vert, une République du Québec verte. On va essayer de parler de ça un petit peu en clôture d'émission. Et moi, je vais vous parler pour vous rafraîchir la mémoire, pas pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous ramener à la mémoire un homme extraordinaire de Jean Chrétien et même de Justin Trudeau qui s'exprime sur Kyoto. Fait que c'est ça. Voilà, alors on retourne la pause, bloc pub, et on va continuer de chanter Noël. Je vais vous offrir une chanson, moi, qui sonne l'enfance. Ça sera le Ginette Renaud, voilà, qui nous chante Au Royaume du Bonhomme Hiver. Et j'ai trouvé une chanson, j'ai trouvé Mika qui chante Vive le vent. Vous allez voir, c'est assez spécial. Pour l'instant, bloc pub. Au 5 à 7 de la Ninkasi, on vous propose une expérience 100% québécoise. Dégustez une multitude de bières de microbrasseries et de spiritueux québécois. Nous servons également de l'hydromel au verre. Pour le 5 à 7, la Ninkasi vous offre les lundis karaoké, les lancements d'albums le mardi, les parties de financement le mercredi et le show acoustique de Tamara et ses invités les jeudis et vendredis. De notre spécial du 5 à 7 sur la délicieuse pizza 7 pouces à 4 $. La Ninkasi du Faubourg, 811 rue Saint-Jean. Réservez votre 5 à 7 au 418-529-8538 ou sur laninkasi.ca. Du Cégep Limoges. Les Crocodiles de Christian Dubeux, un film plein d'aventures à voir dès 8 ans. La séance sera précédée d'un court-métrage pour les enfants et animée d'une activité de découverte et de questionnement autour du cinéma. Invité, Pamela Bisson, cinéaste et animatrice jeunesse. Le Cinéclub Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle au Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, La Boîte à Pain, Le Bal du Lézard et CKRL. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui, c'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union de Tonton Flingueur et de l'Homme Scalp. Les Tontons Scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Bradamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement au 89.1. CKRL 891. Cultive tes goûts. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches. Vive le temps, vive le temps, vive le temps. Non, mais avouez que ça fait du bien, je trouve, moi, de retrouver ce son d'enfance. Ma mère était une grande fan de Ginette Renault. D'ailleurs, maman qui écoute présentement, probablement. Bonjour, maman. Et vous aurez dû voir Catherine Dorion se payer ma gueule avec mes chansons de Noël. En effet, celle de Mika, si elle vous a pas donné envie de gambader à travers les flocons qui batifolent, au moins, elle vous aura fait bien rire. Parce qu'évidemment, ça fait particulier de voir ce chanteur éphèbe libanais chanter Vive le vent, n'est-ce pas? Alors, Catherine s'est bien amusée de moi et de mon attendrissement face à ses chansons. Donc, Catherine, tu voudrais revenir rapidement sur Kyoto et la réaction de certains politiciens libéraux, dont notre bien-aimé M. Jean Chrétien. Bon, vous avez vu dans les nouvelles ce matin, les journaux en parlaient tous, pendant la période des questions hier, Harper a répondu au libéral Bob Rae que ce qui n'avait absolument aucun bon sens pour ce pays, c'était la signature du protocole de Kyoto par un gouvernement libéral, lequel a signé ce que, très franchement, je considère comme des cibles de réduction stupides. Et Peter Kent, ministre de l'Environnement, oui, de l'Environnement, a renchéri. Le monde voit aujourd'hui le Canada d'un très bon œil parce qu'il dit ce qu'il pense et contribue à montrer la voie. N'est-ce pas merveilleux? Et en parlant de tout ce qui est en train de se passer à cause du fait majoritaire conservateur au Canada, Jean Chrétien, en parlant à ses troupes libérales, a dit que si il n'était pas capable de se ragaillardir, ce qui allait arriver avec le Canada, c'est que ça va être l'interdiction de l'avortement, l'interdiction du mariage gay et même peut-être le retour de la peine de mort. Alors, Jean Chrétien a parlé de ça d'une manière très, très sérieuse en disant à ces gens-là, ils ont prôné des choses comme ça par le passé. Ils peuvent encore les prôner. Et là, ils vont très, très loin. Au Parlement, ils parlent que depuis que ce sont les conservateurs, depuis que les conservateurs sont majoritaires, il y a eu un recours excessif au bâillon. Il y a eu un refus de toute modification législative provenant de l'opposition, même mineure, là. Tu sais, il n'y a pas de dialogue, en fait. Les conservateurs arrivent avec leur projet de loi et c'est leur projet de loi qui passe et ils se foutent complètement des règles parlementaires et de l'opinion des autres députés élus au Canada qui sont pas conservateurs. Et qu'il y a eu des comités à huis clos. Beaucoup plus fréquent que par le passé. Et ce que dit Jean Chrétien à ce propos-là, c'est un gouvernement qui traite ainsi le Parlement est un gouvernement qui traitera éventuellement ses citoyens comme ça. Les gens doivent se réveiller et réfléchir à tout cela. Fait que Jean Chrétien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouve que cette fois-ci, il y a pas mal de bon sens. Autre truc plutôt cocasse cette fois-ci, quand les conservateurs sont allés à Durban pour émettre leurs judicieuses opinions, vous aurez compris que c'est ironique, ils ont interdit à des représentants qui n'étaient pas du Parti conservateur de les accompagner, contrairement à la coutume. Généralement, quand ils vont dans les traités des conférences internationales, il y a des représentants des autres partis qui sont invités et qui y vont. Les conservateurs ont dit non, ça va être juste des conservateurs qui vont y aller. Donc, il y a une ministre une députée d'un parti d'opposition, une néo-démocrate, qui a posé des questions en période de questions aux conservateurs par rapport à Durban et par rapport au protocole de Kyoto pour évidemment s'opposer aux conservateurs. Et les conservateurs ont répondu à cette députée néolibérale, écoutez, vous le savez pas, vous connaissez rien là-dessus, vous étiez même pas là à Durban. Et à ce moment, Justin Trudeau a traité le conservateur qui avait répondu, qui était Peter Kent, le ministre de l'Environnement. Justin Trudeau s'est levé, parce qu'à cause de l'absurdité, je veux dire, ben non, elle était pas là, elle a pas pu y aller, vous lui avez interdit. Justin Trudeau s'est levé pour traiter Peter Kent de « piece of shit ». De petit tas de merde. Alors, c'est ça qui s'est passé. Justin Trudeau, même chose. Il remonte dans mon estime, cet homme, tout d'un coup. Mais en tout cas, moi, il remonte pas parce que il m'énerve trop. Mais là, pour ce petit moment-là, ouais, il a le droit à une étoile. On va lui mettre une étoile. Et c'est bien le digne fils de son père. On se souvient que Pierre Le Trudeau avait traité les Québécois de manger d'adoy. Alors, des champions des phrases assassines. Justement, parlant de champions de phrases assassines, Catherine, on va passer rapidement là-dessus. Je trouve une qualité à Jean Charest, moi, c'est son sens de la répartie. Il a dit que, finalement, en fusionnant avec la CAQ, des culs avait fusionné avec un sondage. Et ça a fait, évidemment, boule de neige, ça a fait la une des journaux. Et tu avais une petite opinion, on va dire, je pense, sur cette fusion CAQ-ADQ. Oui, c'est vrai. Je voulais rappeler ce que tu disais, j'allais dire ce que tu as dit sur Charest, que l'ADQ fusionnait avec un sondage, mais aussi que j'ai entendu à Radio X à Québec que, en fait, les animateurs de Radio X sont généralement assez déçus de cette fusion-là. On sait c'était évident qu'ils étaient très pro-ADQ. Et l'ADQ, en fait, c'est pour deux petites choses hein, qui ont accepté de fondre leur programme dans celui de la, la CAQ, ils ont gardé deux choses, en fait. C'est l'entrée du privé un petit peu dans la santé, puis l'autonomisme. Donc, par rapport au nationalisme, comme si ça avait vraiment une grosse incidence. Enfin, fait que la DQ s'est vraiment fondue avec un sondage. Et Radio-X se disait assez déçu. Et disait même, bon, il n'aime pas trop François Legault, puis là, il disait... Ah non? Écoutez, ben, ils l'ont aimé un bout de temps, mais là, il trouve opportuniste, mais comme tous, je veux dire... La foi! Mais c'est l'autre extrême. Nous sommes d'accord avec Radio-X. Ah, écoute, par rapport à François Legault, mais par rapport à beaucoup de choses, là, c'est... J'en suis une par chose... terre dans ma chaise. Parce que quand une chose se place au centre puis qu'elle n'a pas de bon sens puis qu'elle essaie de plaire à tout le monde, de chaque côté des deux extrêmes, c'est-à-dire... Ah ben oui. On va critiquer même si on n'est pas d'accord entre nous. Et ils disent... ils ont lancé comme ça la blague, mais on verra bien. Coudon, on est obligé de se partir un nouveau parti avec le réseau Liberté Québec. Oh! Ça serait le fun, parce que, tu sais, là, je sais pas si on arrêterait de dire, bon, la gauche souverainiste, c'est n'importe quoi, c'est des petits morceaux qui se divisent, ils sont pas capables de s'entendre. Ben, écoutez, peut-être que finalement, la gauche souverainiste va avoir une longueur d'avance sur la droite fédéraliste, parce que la droite fédéraliste commence à se diviser, alors que nous, ça fait longtemps qu'on l'est, puis que là, on est en train de chercher des moyens de se réunir. Qui sait, le vent peut tourner, mesdames et messieurs, nous pourrions redevenir heureux au Québec. Eh oui! Ah oui, ah oui, on veut ça. Ah oui, on veut ça. On veut tellement ça. Pour Noël, on pourrait-tu avoir ça? Justement, mesdames, messieurs, écoutez, je me permets de terminer cette émission, dernière émission de 2011, avec une petite découverte que j'ai faite sur Internet. Tout à l'heure, on parlait de multiculturalisme au Québec, on parlait des immigrants, etc. Et, ben, écoutez, ça nous vient d'un je le qualifierais de philosophe, politicologue, M. Vladimir de Thésy, qui est assez jeune, mi-trentaine, qui, lui, sur les internets, parle de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler d'un État vert, de faire du Québec un État souverain vert. Je vais essayer de vous tracer un portrait rapide, vraiment de l'homme. Vladimir de Thésy, lui, est fils d'un immigrant haïtien. Donc voilà, c'est un immigrant. Voilà, il est pas blanc et comme nous, hein, on va dire. Et lui, il est franchement souverainiste et il a été convaincu à l'époque d'être souverainiste par un immigrant haïtien, justement, qui lui, même s'il venait d'un autre pays, s'accordait à dire que la souveraineté du Québec, c'était une bonne idée. Je pense même que c'était un membre de sa famille, si je me trompe pas. C'est un ami proche de la famille, en fait. C'est un ami proche de la famille. De ce que j'ai lu, qui était professeur au Cégep de Sainte-Foy à l'époque. Et lui, il explique historiquement. Ce qui est intéressant, c'est sa visée historique de tout ça. Je vous explique. Nous sommes dans un monde libéral, n'est-ce pas, de libéralisation des marchés. Et tout ça, c'est né à l'industrialisation au 19e siècle. Ce qu'on appelle les libéraux, en fait, c'était une bourgeoisie montante qui faisait de l'argent avec l'industrialisation et qui a voulu s'affranchir de la monarchie. On se comprend? Donc, ça a donné la libéralisation et ça a donné forme à une nouvelle race, si vous voulez, de dirigeants. C'est les patrons. Donc, au Québec, on a le PLQ et la CAQ, qui est à peu près c'est 4,30 pour une pièce, là. Eux, ce sont les amis du patronat, n'est-ce pas? Ça, c'est le 19e siècle. Cette nouvelle émergence, on voulait s'affranchir de la monarchie, donc on est devenus des patrons, des hommes d'affaires. Une nouvelle forme de richesse. Après ça, on a vu une montée dans les années, au 20e siècle plutôt, d'une nouvelle race, d'une nouvelle forme de société qui était victime, si on veut, de ces patrons-là. Ce sont les travailleurs, les employés qui se sont syndiqués, qui se sont unis, et ça a donné la social-démocratie. Au Québec, qui s'associe à la social-démocratie normalement, traditionnellement, c'est le Parti québécois. N'est-ce pas? Et là, cette tangente-là, le premier mal qu'on a vu avec la libéralisation des marchés, c'est l'exploitation de la ressource humaine. Donc, les humains se sont unis, se sont défendus, ça a donné la social-démocratie, une amélioration. Maintenant, ce qu'on constate au 21e siècle, c'est que la libéralisation des marchés, ben, c'est sur l'environnement que ça ne fonctionne pas. Donc, au 21e siècle, selon Vladimir de Thésy, ce qu'il nous dit, après avoir lu d'autres aussi penseurs, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire la liste, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'au 21e siècle, c'est l'environnement qui va servir de fer de lance aux gens pour s'unir, pour dénoncer cette façon de faire, de mener la vie, en fait, et de mener la politique et l'économie. Donc, ce qu'il lui conseille, en fait, c'est en tant que souverainiste, c'est que le souverainisme devienne vert. Selon lui, les ONG environnementalistes devraient faire comme les syndicats ont fait, par exemple, au 20e siècle, tous s'unir et s'allier avec un parti politique qui serait la branche politique, si on veut, de tout ce grand mouvement-là. Donc lui, selon lui, pour transcender tout ce qui est race, origine, j'aime pas ce mot-là, là, mais origine ethnique, toutes les langues, toutes les religions au Québec, le grand projet fédérateur, ça devrait être l'environnement. Donc, selon lui, et apparemment, avec les contacts qu'il a, il participe à beaucoup de cercles et tout. Je voulais rapidement, en fait, dans un premier lieu, je voulais rapidement les dires de ce cher monsieur. On va faire une histoire très courte. Lui, ce qu'il dit, c'est la culture française et la langue doivent demeurer. La culture et la langue française doivent demeurer au cœur du projet et du discours souverainiste québécois, mais il pense qu'on doit accorder une plus grande place aux environnementalistes pour qu'ils puissent actualiser le projet et réarticuler le discours afin de donner naissance à un mouvement vert souverain. Et toujours selon lui, l'environnementalisme est le seul système de valeurs qui peut non seulement transcender les différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques qui divisent les Québécois, mais qui a le potentiel de les rassembler autour d'un nouveau projet de société. Toujours selon lui, la meilleure façon de convaincre un plus grand nombre de Québécois de toute origine à militer pour la souveraineté de la République du Québec, c'est de leur faire dire « faisons-le aussi pour créer, aussi, je dis bien aussi, créer un État vert ». Voilà, et autour de cet État vert-là, il y aurait des conditions. La première, c'est il appelle ça une démocratie délibérative, c'est-à-dire que dans la Constitution du Québec, tout projet touchant l'environnement, on parle des gaz de schiste, la Gentilly 2, la centrale nucléaire et tout ça, ce serait l'exploitation pétrolière, bon, par exemple, de l'île d'Anticosti, tout ça serait soumis automatiquement, selon la loi. À une espèce de constitution verte. Une constitution verte, donc une consultation populaire où tout le monde, peu importe ton origine, d'où tu viens, t'as le même poids, et à la toute fin, un référendum. Oui ou non, est-ce qu'on embarque là-dedans? Mm. Alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. On a voulu faire du Québec un pays, pas pour en faire un Québec français. Après, on a voulu aussi faire du Québec un pays pour en faire un pays de social-démocratie de gauche. On a voulu en faire, puis d'en faire un État vert, c'est une autre façon d'amener une particularité, en fait, des Québécois qui fait partie de l'identité, puis qui, pour une fois, traverse les frontières linguistiques. Parce qu'on s'entend que si on faisait un sondage, puis il y en a eu auprès des anglophones, par exemple, québécois sur l'environnement, mais sur beaucoup d'autres questions aussi qui sont très québécoises. Les anglos sont d'accord avec les francophones par rapport à ça en grande majorité, alors que les anglos du rock, en fait, les gens du rock sont à l'inverse de cette position. En fait, c'est ça. Ce qu'on va monter, apparemment, il y a un article, on va terminer avec ça là-dessus, de Marie-Claude Malbeuf dans la presse du 7 mai 2011. C'est François-Pierre Gingras, politicologue à l'Université d'Ottawa. Il dit que les valeurs de gauche pourraient même l'emporter sur l'attachement au pays. Des fédéralistes québécois, dont une anglophone née en Ontario, m'avoue, hein, M. Gingras, aujourd'hui être dégoûté par la politique au Canada. Ils disent avoir carrément viré capot en faveur d'une souveraineté québécoise, social-démocrate, après avoir pris connaissance des résultats du vote en Ontario. Il faudrait voir combien il y a de tels convertis dans le Québec. Et apparemment, il y a un autre mouvement, là, j'ai pas réussi à trouver assez d'informations là-dessus, mais qu'il y aurait même si le Québec devient un État vert, il y aurait même des Canadiens anglais qui viennent... Ça sauverait pour venir dans un État vert. Des réfugiés politiques de Stephen Harper viendraient se réfugier au Québec. C'est formidable. Là-dessus, Catherine, c'est notre dernière émission de 2011. Ça a été 10 semaines fulgurant. Vraiment. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous prêtent l'oreille, soit sur nos podcasts qui sont disponibles sur notre page Facebook. Vous faites j'aime et vous avez accès à toutes nos émissions. Soit que vous nous écoutez en direct sur les ondes de CKRL. On aimerait remercier le comité de programmation et Tania Beaumont ici qui nous a permis de prendre cette plage horaire formidable pour faire exercer notre mission. Et puis, on prend 3 semaines de pause. On vous revient le 11 janvier en pleine forme. Mais Catherine, ça se peut que tu ne sois pas avec nous. Bien, ça va dépendre, en fait, hein, parce que toi, Christian, tu le vois et tu ris de moi à chaque semaine. Je ne ris pas de toi. Non, tu ne ris pas de moi. Tu passes des gentils petits commentaires. C'est moi qui ris de moi. Mais il est gentil. Je suis enceinte de 8 mois, fait que qui sait? Le 16 janvier est ma date d'accouchement. Fait que peut-être que je vais être là le 11, mais pas les 2 semaines suivantes. On verra. En tout cas, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si je peux pas être là, je vais vous trouver, ou Christian va vous trouver un remplaçant ou une remplaçante hallucinant. Fait que fera Robin sans Batman, c'est que nous verrons le 11 janvier prochain. Joyeux Noël, bonne année à tous, et on se retrouve directement au sacrilège avec Tania Beaumont. Le jeudi au sacrilège, c'est le jeudi chaud. Matt Lipscomb nous présente son 2e disque en anglais intitulé Jaywalker, un album intime où le chanteur compose libre 13 chansons aux arrangements guitare-voix. Ne manquez pas ce phénomène unique dès 18h ce jeudi au sacrilège, 447 rue Saint-Jean. It's high time that something gets done. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur la Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, Sainte-Marie.